Aujourd'hui, encore un sujet passionnant, puisqu'il s'agit de... Attendez, voir. Vous vous souvenez du sujet? Excusez-moi, attendez, je cherche mes notes. Ah oui, la méthode des lieux pour avoir une mémoire de dingue. Nous sommes le mardi 26 janvier 2016, sans erreur. Nous recevons Timothée depuis Budapest, et c'est l'épisode 246. Bonsoir et bienvenue. Donc bonsoir à tous, on l'a déjà dit, bonne année, vous avez dû le dire à PS Plaisir en fait, c'est ça? Bonne année, je sais plus, enfin bref, ouais. Je suis complètement perdu. Bref, je sais pas, il y avait personne qui est ici au PS Plaisir. Donc en tout cas, nous, entre nous, bonne année, parce que c'est encore le temps jusqu'à fin janvier, je crois, officiellement en France en tout cas. Et on est pas mal autour de la table, puisque nous avons Pascal depuis les coulisses et la chatroom qui vérifie que tout fonctionne, je sais même plus s'il est avec nous... Je suis avec vous et je dis bonjour à tout le monde. Nous avons Robin et Boson qui pleurent depuis le nord de Paris. Salut Robin. Ne pleure pas du tout. Qui ne pleure, il pleure pas, Boson? Pas du tout, absolument pas. Nous avons Irène depuis un endroit où le plafond a plein de tuyaux étranges. Salut Irène. Ah, salut, c'est mon boulot. Bonjour tout le monde. Nous avons Julie, mais je crois que Julie, qui est malade, donc on va pas la faire parler, la pauvre. Donc salut Julie. Et puis surtout, notre invité de ce soir, Timothée, donc depuis Budapest. J'ai oublié de préciser les locations, mais là on commence à bien se répartir. Salut Timothée. Salut tout le monde. Et en sommaire de l'émission de ce soir, c'est une émission plutôt de type dossier, avec donc Timothée qui va nous parler de la méthode des lieux, la mystérieuse méthode des lieux, et puis on aura un pitch de la semaine prochaine, une quote, on rappellera un peu le quiz du mois, et un petit plug, et ce sera tout, ma foi. Et sur ce, je laisse la parole à Timothée, c'est ça? Je vais la prendre. Merveilleux. Alors, donc je me suis intéressé à la méthode des lieux il y a quelques années en lisant le livre Tricks of the Mind. Donc c'est un livre du magicien mentaliste anglais Derren Brown. Et donc les mentalistes, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont ces magiciens qui passent pour avoir des pouvoirs mentaux. Donc essayer de lire dans les esprits, ou alors retenir énormément de choses, avoir une mémoire supranaturelle, etc. Et donc dans ce livre, Derren Brown décrit énormément de sujets, y compris l'hypnose, un sujet que je trouvais passionnant, et la méthode des lieux et les méthodes de mémorisation pour apprendre plein de choses. Et ça m'a vraiment marqué parce que les magiciens étaient capables de faire des choses qui paraissent absolument impossibles, et à savoir retenir une quantité énorme d'informations. Donc j'ai trouvé ça passionnant et je me suis plongé dans la méthode des lieux à cette occasion, et depuis je l'utilise quasiment tous les jours. Donc la méthode des lieux, c'est la méthode de mémorisation qui est la plus aboutie et la plus impressionnante. Donc je vais d'abord vous parler un peu de ce qu'il est possible de faire avec, et ensuite on verra ensemble comment la pratiquer, et pourquoi elle marche, et comment la mémoire fonctionne en général. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des compétitions de mémorisation, je ne sais pas, ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi j'ai déjà vu à la télé en fait des événements un peu impressionnants où tu vois des gens qui mémorisent des trucs super longs. On parlait avant le début de l'émission des décimales de pi, enfin il y a beaucoup de choses de ce genre là. Après je savais pas qu'il y avait, mais du coup quand ça passe à la télé, ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre de compétitions qui doivent exister pour que ça ramène quelques-unes à la télé. Des spectacles plus que des concours quoi. Là tu veux dire que c'est des gens comme ça qui ont ça comme hobby quoi, ils font ça... C'est un sport mental quoi. Donc, c'est-à-dire d'accord, c'est plutôt que de faire des compétitions de volley ou de une course, un marathon, ils font un truc où ils se... C'est évidemment des compétitions de grande geekerie, mais bon, il y en a plein d'autres comme ça, et ça repousse les limites de... Voilà, c'est du même ordre. Alors je vais vous citer un peu les résultats des compétitions de mémorisation, parce que c'est assez incroyable. Il faut bien savoir que ces compétitions, il y a des enjeux financiers, etc. Il y a des arbitres, enfin, c'est des faits. Ces résultats sont des faits, donc il faut prendre ça pour argent comptant. Donc, alors, les gens qui participent aux compétitions, ils s'appellent des mnémonistes, avec un MN au début, comme mnésique, mnémoniste. Et les épreuves de la compétition, ça consiste par exemple à apprendre de longues suites de chiffres, ou alors de longues suites de cartes à jouer, ou alors des noms associés à des visages, ou alors des faits historiques. Enfin, en fait, ce n'est pas des faits historiques, c'est des pseudo-faits historiques. Ça ressemble à des faits historiques, mais par exemple, c'est en 1428, George Washington marche sur la Lune. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on pourrait avoir. Donc le but c'est qu'il n'y ait pas de connaissances avant la Donc prédiction. En fait, voilà. Tu es en train de dire que le but c'est d'apprendre des trucs complètement débiles en fait. Alors dans les compétitions, ben, le but c'est, le but c'est que tout le monde soit à égalité, donc il faut qu'il y ait des faits absolument... Des chiffres qui sortent de nulle part... voilà, des nombres aléatoires, des jeux de cartes mélangés juste avant la compétition. Génial, etc. J'adore le concept. Et après on me demande à quoi servent les maths. Ok d'accord, vas-y continue. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de maths qui soient impliquées là-dedans, mais... Non justement, mais je veux dire, il y a quand même des gens qui font ça quoi. Ah oui, il y a des gens qui font ça. Ah oui, à quoi ça sert, effectivement. Bah, ça repousse les limites. Robin, il a besoin qu'on le rassure, ok ? Donc, voilà. Bon, en tout cas, ça existe. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les records sont complètement bluffants. Donc, je vais vous donner un exemple. Alors, une des épreuves, ça consiste à apprendre l'ordre d'un jeu de 52 cartes mélangées. Donc, on prend un jeu de 52 cartes, on le mélange pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il soit vraiment bien mélangé. On ne triche pas, donc. On ne triche pas. Et donc, on a 5 minutes pour regarder le jeu. Et dès qu'on a fini d'apprendre le jeu, il faut le reposer et appuyer avec ses mains sur deux boutons en même temps. Et donc, les mains ne sont plus liées au jeu et donc on ne peut plus regarder le jeu à partir de ce moment-là. Et donc, il y a un timer qui se lance au début. Et dès qu'on appuie sur les deux boutons, hop, le timer s'arrête. Et donc, le record du monde pour apprendre un jeu de cartes, alors il a été battu récemment, mais c'est pas dans la même compétition, donc c'est pas officiel. Donc le record officiel, c'est de 20,44 secondes. Donc, je sais pas si vous pouvez imaginer. C'est incroyable. C'est-à-dire, attends, vas-y, pour retenir le jeu ou pour retenir le jeu. Donc, on a 5 minutes, mais il y en a qui prennent moins, quoi, c'est ça ? Oui, 5 minutes, c'est le maximum. Quand on fait 5 minutes, on est déjà condamné à ne pas gagner la compétition, ça c'est d'accord, clair. D'accord, donc tu veux dire que le mec il prend 24 secondes pour regarder un jeu de cartes mélangé et 20,44, capable... ouais. Donc il a un jeu de capable... cartes totalement mélangé, il passe moins d'une demi-seconde par carte, il repose le jeu de cartes et il le connaît par cœur. Il connaît tout l'ordre des cartes. Alors je peux donc, vous après, envoyer... Par contre, le temps qu'il met à redonner l'ordre des cartes, on s'en fout ça. Alors si, on a 5 minutes maximum aussi pour redonner l'ordre des cartes. Wow, donc, en fait, c'est incroyable. Une fois qu'il a fini d'apprendre, il a encore 4 minutes 30, donc jusqu'à la fin des 5 minutes réglementaires, pour remémorer le jeu dans sa tête. Et ça peut aider, ça peut être pris en compte. Mais néanmoins, il regarde les cartes que 20 secondes. Donc là, je vous ai envoyé une vidéo d'un ancien record du monde. Je crois qu'il est à 22, enfin bon, quasiment le même temps. Alors, c'est pas du tout impressionnant en vidéo. C'est juste un mec qui regarde un paquet de cartes et qui le redit après. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais néanmoins, ça existe. Je vais aussi l'envoyer sur la chatroom, d'ailleurs. Voilà, donc c'est une vidéo, je ne sais pas ce qu'elle prouve, mais en tout cas, j'ai vu faire des gens des records similaires. Donc, il faut accepter qu'il y a des êtres humains sur Terre qui peuvent apprendre 52 cartes mélangées en 20 secondes. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire, je ne sais pas si vous y croyez pour l'instant. Bah, tu as dit que c'était un fait, de toute façon, je veux dire, on est bien obligé d'y croire, non ? Enfin, je... Oui, effectivement, mais ça a l'air d'être assez hors de l'expérience classique. Et c'est vrai que c'est absolument... Moi, je trouve ça fascinant quoi, qu'un mec arrive à faire ça en 20 secondes. Et voilà. Donc ça, c'est une des épreuves. Et une autre épreuve... Après, je ne sais pas si tu vas en parler, mais sur la mémoire, il se trouve qu'il y a quand même plein de méthodes pour justement s'entraîner. Ah oui, bah je vais essayer d'expliquer la méthode qui est utilisée. Voilà, donc c'est hyper impressionnant a posteriori, mais en fait, après, il y a des méthodes justement. Ouais, plutôt a priori. La... Ah oui, ça, je veux dire, c'est pas de la magie, quoi. Même si c'est impressionnant, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est pas de la magie, c'est vrai, mais c'est pas loin de. Disons que la plupart des gens ont absolument aucune idée de comment on fait ça, quoi. Donc, d'ailleurs, si je vous demandais, mais je vous demanderais peut-être après comment vous feriez. Bon, juste pour l'instant, ça c'est le record pour moi le plus impressionnant. Il y en a un autre, c'est hallucinant aussi. D'ailleurs, j'ai dû le changer. Il a changé cette année. Il y a eu des compétitions il y a quelques mois. Et donc, le record du nombre de chiffres appris en une heure, donc c'est Alex Mullen qui l'a eu. C'est un Américain. Il l'a eu il y a vraiment quelques mois. En une heure, il a réussi à apprendre 3029 chiffres. Voilà. C'est incroyable. Hein. Mais c'est incroyable. Hein. Quasiment un chiffre par seconde pendant une heure. Donc, je ne sais même pas comment il fait pour réviser. Juste, il place ses images. Enfin, je vous dirai après exactement la procédure utilisée. Il y a un film qui repose sur ça, sur le type qui... Alors, Je sais pas duquel tu parles. Ça doit être un Hitchcock ou un truc comme ça. Un type qui. Faut pas dire quel si, film. Si après, Robin parle d'un film, il a au moins une vingtaine d'années, mais donc. Mais ça m'intéresse. Non, j'ai pas envie de le flinguer, donc je crois que je me souviens de quel film c'est, mais j'ai pas envie de filer le nom, quoi. Faut pas le flinguer aux gens qui l'ont pas vu, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, ça repose là-dessus, c'est-à-dire que tout le monde cherche des papiers avec des documents hyper secrets et tout, et en fait, ils existent pas, c'est juste un type qui l'a retenu, quoi. Ah, c'est génial. Mais bon, faut pas spoiler le film, ok. Non, c'est super intéressant, ça. Yeah, parce que dans la culture, ça, on en parle pas tellement. Alors moi, je me suis pas tellement intéressé à la méthode des lieux dans la culture, au final. Même si au Moyen-Âge, c'était un truc que tout le monde utilisait. Enfin bon, on en parlera un peu plus tard. Donc, pour finir juste sur les records du monde, je vais vous envoyer un lien. Donc là, c'est juste un lien qui contient tous les records du monde de mémoire. Du moins dans les championnats officiels. Maintenant, depuis peu, il y a des nouveaux championnats de mémoire qui n'ont pas les mêmes épreuves. Mais bon, je ne m'y suis pas encore intéressé. Bon, et un autre type de record que ceux des compétitions, c'est au Guinness. Dans le Guinness des records, donc, il y a quelqu'un qui a appris. Donc, ce quelqu'un, c'est Rajvir Mina, un Indien. Et il a appris et récité 70 000 décimales de pi. Donc, il a récité pendant 10 heures. Non. Sans se tromper, c'était en 2015, il a appris 70 000 décimales de pi. C'était voilà. Pas 70 000 de mémoire, il y avait un japonais qui avait fait mieux, non? Alors effectivement, il y a un japonais qui a 100 000, mais il n'a voilà. Pas été... alors je ne sais plus pour quelle raison il n'a pas été homologué par le Guinness. Je crois que ça reste en dessous de Chuck Norris qui a récité les décimales de pi deux fois. En entier. Oui, effectivement. Quoi, Chuck Norris, quoi? Il a récité les décimales de pi en entier deux fois. C'est une blague, Irène. Mais oui, parce que... Non, c'est un Chuck Norris fact. Oui, c'est un Chuck Norris, quoi. Donc, oui, d'accord. D'accord. Ok, on passe, c'est bon. Si on passe. Alors, donc moi, j'ai fait des études de psychologie et la psychologie donne une toute autre image de la mémoire. Une image de la mémoire qui n'a pas l'air de coller avec ces faits que je viens de vous donner. Et par exemple, on dit que la mémoire, à court terme, peut retenir 7 plus ou moins 2 éléments. Bon, même si on est revenu, maintenant on dit plutôt 4, mais on n'a toujours pas vraiment défini ce que c'était un élément. Bon, bref, j'ai étudié la mémoire en psychologie et on dit qu'il faut d'abord passer par la mémoire à court terme, mais après il faut une phase de consolidation, et après, enfin, ça arrive en mémoire à long terme. Mais ça met longtemps, il faut réviser l'information, et donc... Bah, dans la vie de tous les jours, on nous donne un numéro de téléphone, et ben on galère. Parce qu'il y a 8 chiffres si on ne compte pas le 06. Le 06, on l'a déjà retenu. Et donc, on essaye de répéter les 8 chiffres, mais 8, c'est pile dans notre empan, on utilise le mot empan de mémoire. Et donc, bah, même 8 chiffres, ce n'est pas évident à retenir d'un coup. Et en plus, si on est troublé pendant qu'on le répète dans sa petite tête, et ben on l'oublie très vite. Et alors, si on nous donne 10 numéros de suite, bah, c'est impossible d'en retenir, ne serait-ce qu'un. Donc les psychologues, ils étudient plutôt la mémoire qui rate. Et les psychologues considèrent aussi qu'on ne peut pas entraîner sa mémoire. Et que la mémoire, ce n'est pas un muscle. C'est-à-dire que même si on apprend des chiffres pendant des heures et des heures et des heures, ben on arrivera toujours à en apprendre que 7 plus ou moins 2. Donc ça, c'était la vision que me donnait la psychologie de la mémoire. Et donc il y a un fossé immense entre ces faits d'un côté de la compétition de mémoire et ce que nous disait la psychologie, du moins ce qu'on nous a dit en cours de licence. Après, il y a quand même des chercheurs qui ont étudié la mémoire un peu experte. Mais bon, donc je me suis demandé comment expliquer ce décalage entre cette mémoire limitée, qui galère, qui n'arrive pas à apprendre plus que 8 chiffres, et les trucs quasi improbables des compétitions de mémoire. Et est-ce que la psychologie est à côté de la plaque? Alors... Avant de vraiment vous décrire les méthodes, j'ai envie de vous faire deux petites démonstrations. Donc d'abord, pour aujourd'hui, j'ai appris 300 décimales de pi. Bon, je vais aller en apprendre 500, mais ça prend quand même du temps. Sachant que j'ai commencé à l'entière. Tu ne vas pas non plus dans les réciter, hein, soyons clairs. Alors, je ne vais pas toutes vous les réciter, mais vu que... Moi, je vais entendre quand même. Appris, j'aimerais bien... Je les ai appris de telle manière à ce que je puisse dire... vous pouvez me dire n'importe quel nombre entre 1 et 300, et je vous dirai quelle décimale correspond à cette place-là. Ah oui, c'est vérifie. Même pas dans l'ordre, c'est... C'est même pas dans l'ordre, c'est je peux pointer vers... Bon, je serai pas... Je me donne 5-6 secondes avant de répondre. Peut-être un peu plus à voir. En tout cas, je vais vous envoyer un lien Ouais, voilà. Parce que moi, je voudrais vérifier que tu dis pas des bêtises quand ah même. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant. Donc, je vous envoie un lien. Je vais aussi le mettre dans la chatroom. Voilà. Et alors, je précise aussi à la chatroom qu'on a la vidéo de Timothée qui nous a annoncé qu'il allait se bander les yeux. Et oui, parce que là, je vois mon écran. Je c'est encore mieux que TF1, quoi. C'est largement mieux que TF1. Avez-vous vu Les Extraordinaires? Ah mon Dieu. Il y a une émission de TF1 qui est passée vendredi dernier, qui s'appelle Les Extraordinaires, qui dit un immense monceau de bêtises sur la mémoire. Ah, c'est vrai? Oui, c'est absolument terrifiant. Ils invitent un soi-disant neuroscientifique qui, en fait, est tout sauf neuroscientifique, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de vrai neuroscientifique pour se prêter à ce jeu-là, qui essaye de démontrer à quel point ce que les candidats ont fait est absolument impossible à faire, etc. Et donc c'est à mourir de rire. Mais bon, c'est pas l'idée d'aujourd'hui de démontrer. Ouais, non, mais c'est intéressant quand la même. La 282e décimale. Du coup. Attends. Alors, non, là, je ne les ai pas sous les yeux, c'est pas le but, mais je vais quand même me bander les yeux pour que... Alors, ah, ouais, si c'est vraiment vrai. Ridicule. Oui, je confirme. Il se met en fait un masque comme on en met dans les avions quand on veut dormir. Voilà, c'est un masque d'avion, donc je vois... Absolument rien. Bon, non, pas comme sur le incroyable. Dessin qui a été posté. Alors, tu m'as demandé la 282e, c'est bien c'est ça? C'est ça, exactement. Alors. Déjà, moi, je m'en rappelais plus. Tiens, c'est... je me concentre. Comment ça, tu t'en rappelais plus Que c'était 282? Non, ah, faut que... le laisse se concentrer. Ah, oui, ouais, alors, je vais peut-être. Parce qu'avec le bruit, en fait, c'est pas évident pour moi. Ouais. Donc, je vais juste enlever mes écoutes. Ah non, je peux pas vraiment faire ça. Bon, on se tait. Voilà, parlez pas trop. Donc c'est un 3 suivi d'un 3, 9, 3, 6. Et selon le site web que tu nous as fourni, c'est vrai. C'est pas possible. Je peux vous dire la suite aussi. 0, 7, 2, 6. Talent inutile numéro 123. Alors vous pouvez me tester un autre endroit. Wow. Allez les autres, Irène, choisis. Alors attends, tu as dit que tu avais mémorisé les premiers 300? C'est bien tu ça. Tu as dit, on va dire le 152. 152. Alors, c'est un 8 suivi... Aïe. C'est bien un 8 au moins. Ouais, c'est bien un 8. Ouais. Ah. La suite. Ah, j'ai une image parasite. Ça, pas du tout. Bon, je ne sais plus les deux suivantes. Je moi, sais qu'il y a 1-7-4-5-0-2, mais... ce qui est très troublant, c'est que tu arrives à trouver celle d'après et que justement, les deux autres, tu les trouves pas. C'est très, très perturbant. C'est perturbant. Bah, c'est, une fois que tu sauras comment je fais, c'est plus tellement perturbant. Mais c'est vrai que... Ah, bon, si vous voulez me tester encore un autre endroit pour finir. En fait, si je comprends bien, si on te demande la 153, t'es paumé là. Là, tout de suite, ouais, je pourrais passer en revue plein de choses pour. 42. Me 42. Oui, la 42e, très important. Alors, la 9. Ouais. 3, 9. 9, 3. 7, 5, 1, 0. Voilà. Ouais. La suite. Ouais. Ouais. Putain, mais c'est fou, hein. Donc bon, j'espère que vous êtes convaincus que j'ai bien appris les 300 premières décimales de pi de cette manière. Ouais, enfin, il y a quand même un petit relâchement sur la 153e. On va la retrouver, mais ça risque de mettre longtemps. Ouais. Non, mais laisse tomber. T'es dur, Robin. c'est une honte. Voilà, donc j'ai enlevé mon masque. Ouais, non, c'est impressionnant, hein. Super voilà. Impressionnant. Hein. Donc je connais ces décimales et je les ai apprises entre hier et aujourd'hui. En fait. Non. Tu t'es mis hier. Ouais, et bon, ça a quand même pris 4-5 heures en tout, plus les révisions. Bon. Mais ouais, le mec. Du temps quand même. En même temps, le mec qui fait 3000 chiffres en une heure, voilà, bon, il a appris 10 fois plus que ce que j'ai appris en tout en 5 fois moins de temps. Mais ça, c'est. Pour draguer, ça fonctionne? J'ai pas encore vraiment essayé de draguer avec. Je vais demander à ta copine, va. Ah, de pas mal lieu. Non. Donc, non seulement tu peux t'entraîner à apprendre, mais en plus, plus tu apprends et plus ça va vite en plus. Alors oui, effectivement, on entraîne la méthode et à la fin, on devient de plus en plus fort. Et moi, je ne me suis pas tellement entraîné à apprendre des choses inutiles parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça. Voilà, donc j'ai surtout appris les caractères japonais avec ça et d'autres choses utiles. Bon, je vais plutôt parler des possibles utilisations de la méthode plus tard. Ouais, et puis de comment ça marche, parce qu'on a envie de comprendre, du coup. Je voulais déjà vous démontrer que, voilà, que ça marchait, parce que sinon, ouais. On ne croit pas. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant. Après, on peut apprendre des trucs plus complexes, ou c'est vraiment pour apprendre des chiffres, pour apprendre des... Alors, on va voir ça. On va voir ça. Et est-ce que tes copains, ils t'invitent toujours dans les soirées pour que tu fasses des démos Non, je fais pas beaucoup de démos. Le mercredi soir, non, tu manges, t'es invité à des repas pour parler de ta passion. Tu vas dans les anniversaires des enfants pour faire des... Alors, des... c'est pas mon trip. Ouais, c'était pour la démo, là, ce soir. Je fais ça pour la démo. Et je me suis intéressé à les méthodes des lieux, surtout d'un point de vue théorique, déjà. Avant de m'intéresser à la pratique, c'est juste, c'est possible. Bon, moi, quand on me dit un truc aussi incroyable que ça, qui est possible, moi, j'aime bien savoir comment c'est fait, surtout que... Et donc, ça peut apparaître miraculeux. Enfin, il y a plein de gens qui utilisent ça. Bon, il y a plein de magiciens, mais potentiellement, d'autres gens peuvent utiliser ça pour faire croire qu'ils ont des pouvoirs divins ou autres. Et donc, ça, c'est quand même super intéressant de savoir comment ça marche. Et en plus, ça a quand même des applications pratiques assez fortes. Donc, bon. Mais on va en discuter un peu plus tard. D'abord, j'aimerais bien savoir, vous, si vous deviez apprendre une longue liste de chiffres, 300 chiffres, à votre avis, qu'est-ce que vous feriez ? Alors moi, déjà, je les regrouperais. Genre, je les apprendrais par nombre de 3 chiffres. Par groupe de 3. Par exemple. Moi, j'appelle Timothée. Et donc ? Moi, je sais pas comment je ferais. Hein. Je pleurerais beaucoup. Vous, après, pour les décimales de pi, il y a un truc bien connu, c'est de connaître un poème dont le nombre de lettres correspond. T'en apprends 10 et puis tu mets 15 heures à les retrouver. Je suis d'accord, c'est pas fantastique. Je donne juste des méthodes qui peuvent aider un peu, quoi. Alors, ouais, le que j'aime fait, à faire c'est... apprendre un nombre est-il le sage. Ah, voilà. J'ai jamais retenu plus loin, donc... Donc c'est effectivement assez intéressant, l'apprentissage de pi, parce qu'il y a plein de gens qui s'y sont intéressés longtemps avant. Enfin, longtemps avant. Tout le monde a entendu parler de ce que j'aime à faire apprendre un nombre est-il le sage, effectivement. On va essayer d'imaginer... Alors, il y a quelqu'un, je crois, qui a appris les 500 ou 1000 premières décimales de pi grâce à un poème géant. Mais alors, si on devait lui demander quelle est la 328e, bon, déjà, il serait bien embêté, parce qu'il n'a sûrement pas compté ses mots. Ensuite, t'as pas intérêt à oublier un des mots ou une phrase. Et ensuite, apprendre un texte de 500 mots, est-ce que c'est vraiment plus simple que d'apprendre 500 chiffres ? Bah, s'il n'est pas trop pourri, c'est quand même, pour moi, plus facile, mais... A priori, oui. Non, a priori, tout à fait, c'est tout à fait le cas, mais bon, c'est vrai. C'est plus simple. Donc tu me disais les regrouper par 3. Donc, et ensuite, qu'est-ce que tu ferais avec les groupes de 3 ? Déjà, je trouve que j'en apprends plus si je les regroupe, en fait. C'était plus ça ma remarque que si je les mémorise un par un. C'est-à-dire que je les retiens en disant 183 au lieu de dire 183. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a vu en psychologie. Justement, c'est ça qui est un des problèmes du mot « élément » en psychologie. Parce que quand tu groupes 3 chiffres, est-ce que ça devient un seul élément et du coup, tu peux apprendre 7 plus ou moins 2 groupes de 3 chiffres. Bon. Et tu as envie de dire, bah, c'est un peu débile, je vais faire des éléments de 50 chiffres et puis je peux apprendre 7 fois 50 chiffres. Évidemment, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un petit problème en psychologie à définir le mot élément. Mais effectivement, en groupant déjà par 2, la plupart des gens arrivent beaucoup mieux et par 3, peut-être plus pour les gens qui sont habitués à... Les mathématiciens, sûrement, ils ont une familiarité plus grande avec les nombres. Et donc, sûrement, ils arriveraient mieux à apprendre des groupes de 3 chiffres. Bah, y a des trucs, quoi. Disons que des nombres, on peut en repérer pour certaines propriétés, quoi. Ça peut être des choses... Enfin, ouais, y a des trucs tout bêtes qui sont, si tu les groupes par paquet de 2, par exemple, même tout seul, d'ailleurs. Mais bon, c'est pair, c'est impair, ça fait un minimum de sens. Il y a des trucs comme ça, peut-être, quand même, quoi. C'est un nombre premier, tout voilà, ça. Voilà, si on voit un nombre premier, ça risque d'être... de déclencher quelque chose qui fait qu'on mémorise mieux. On dit, ah oui, là, il y avait un nombre premier, etc. Donc, effectivement, une familiarité avec les nombres aide, mais ça ne va clairement pas suffire à apprendre un grand nombre de nombres et à les retrouver de manière fiable. Et donc, la plupart des gens, quand ils essayent d'apprendre une information, bah, ils vont juste la répéter dans leur tête. Donc, ils ont une petite voix dans leur tête. Si on apprend un numéro de téléphone, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va répéter les nombres jusqu'à ce que ça rentre. puis ça rentre pas. Si c'est perdu, bah, tant pis. Il n'y a plus que nos yeux pour pleurer. Et le pire, c'est que quand tu te le répètes, tu as toujours peur de faire une erreur et de t'imprimer une erreur en plus. En plus. Et alors, imaginez 300 chiffres. Donc, il y a souvent des nombres qui se suivent. Si on les apprend par deux, on avait 42, 58 à un endroit. Hop, on a de nouveau 42, 50 quelque chose plus tard. Aïe, aïe, aïe. Tous les coups, on va confondre. Et donc, ça, évidemment, quand on apprend 3000 chiffres en une heure, ben, on n'a pas intérêt à confondre le moindre truc. Ah oui, parce que quand il fait 3000 chiffres en une heure, c'est zéro erreur. Hein. S'il a la moindre erreur, c'est fini. C'est pas drôle, les compétitions de mémoire à ce niveau. Enfin, s'il a une erreur, je crois qu'il perd 40 chiffres ou quelque chose comme ça. Toute la ligne. Ou... Bon, bref. Donc, pas d'erreur. Donc, c'est très fiable, la méthode qui est utilisée. Alors maintenant, je vais faire une autre petite démonstration, mais cette fois, c'est vous tous qui allez travailler. Parce que c'est bien rigolo d'apprendre des nombres, mais je vais vous montrer que n'importe qui peut le faire. Donc n'importe qui peut utiliser la méthode dont je vais vous parler, et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Alors en fait, quand je dis n'importe qui, c'est peut-être pas vraiment absolument n'importe qui. Il faut faire des images mentales. Donc les images mentales, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais en gros, c'est on ferme les yeux et on imagine quelque chose se passer. Et l'année dernière, cette année, juin 2015, je crois, si je me souviens bien, on a décrit l'incapacité à faire des images mentales. Donc il y a quelques personnes qui, quand on leur demande fermer les yeux et visualiser un match de foot, bah, ils disent non, je ne peux rien visualiser. Et donc depuis juin 2015, cette condition s'appelle l'aphantasie, avec un PH, aphantasie. Voilà. Donc bon, wow. Quelques gens qui ne sont pas capables d'utiliser la méthode. Et j'en ai rencontré un d'ailleurs, si tu m'écoutes Anthony. Donc, il m'a dit qu'il n'était vraiment pas capable de visualiser quelque chose. Donc là, effectivement, la méthode des lieux, ça ne marche pas. Mais ça paraît même... On se demande comment il fonctionne, son cervello. Ça doit être un mode de fonctionnement très différent du reste de la population, quoi. C'est bizarre. Apparemment, les témoignages, j'ai lu quelques témoignages, les gens disent non, il n'y a pas de problème pour quasi aucune tâche. Ils n'ont pas de problème en maths ou en rien. D'ailleurs, Anthony est ingénieur, si je ne me trompe pas. Pour lire des bouquins ou pour écouter une fiction à la radio, par contre, non, c'est... Enfin bon, bref, c'était pas une émission là-dessus, mais... Mais c'est intéressant. C'est lié quand même. Ouais, je ne sais pas vraiment, je crois que c'est juste... Ils sont... Quand on leur demande de visualiser quelque chose, pour eux, ça ne leur parle pas et ils voient juste du noir. Ils disent « Ah non, je n'arrive pas à visualiser ». Mais le reste, quand ils lisent, je pense qu'ils prennent plaisir et... Je sais pas, il faudrait plus de témoignages. Il y a quelques personnes qui parlent, et donc à Fantasie, voilà, APH. Voilà. APH, hein. Bon, ça bah, alors. On sait sur quoi tu nous fais ton prochain dossier. Ouais. Je ne suis pas encore. En tout cas, à part si vous êtes à Fantasie, eh ben, la méthode des lieux, vous devriez pouvoir vous en servir. Et donc vous devriez travailler maintenant avec moi. Je vais juste vous demander de bien m'écouter, de faire ce que je vous dis de faire. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer que vous êtes dans votre lit. Donc en fait, on va se déplacer dans votre appartement et on va essayer de trouver 5 lieux. J'ai l'impression de faire de la relaxation. C'est de la relaxation. C'est quasiment ça. Vous imaginez que vous êtes dans votre lit et vous voyez où se trouve la fenêtre. Si vous n'avez pas de fenêtre, bon, c'est malheureux pour vous. Mais bon. Explorez un peu votre chambre. Et si on en a 3, hein? Ah bah, non, je rigole. Pardon. Tu peux visualiser tes 3 fenêtres, voir où est la porte, etc. Et sur votre lit, vous voyez Jules César qui est sur un cheval. Alors, c'est pas un vrai cheval. Il fout là ou... Non, il est là, c'est tout. Et c'est pas un vrai cheval, en fait, c'est un cavalier de jeu d'échecs. Donc, il y a juste la tête et puis le cou, en gros. Et puis, Jules César, il s'énerve, il donne des coups sur les flancs. Parce que son cheval, il veut pas démarrer. Et ça l'embête, apparemment. Voilà. Donc, ensuite, je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais bon. On n'a pas le droit de rigoler. Donc, vous voyez Jules César qui s'énerve sur son canasson en bois dans votre lit. Une fois que vous avez bien visualisé ça, vous sortez de votre chambre. Alors là, je ne vais plus pouvoir être aussi explicite, parce que vous avez tous des appartements différents. Mais vous allez dans la première pièce qui vous vient à l'esprit. Donc, a priori, le couloir, enfin, juste à la sortie de votre chambre. Et dans cette deuxième pièce, je vous demandais de bien explorer la pièce visuellement de nouveau. Et ensuite, vous allez voir le pape qui prend un bain. Alors, il a gardé sa toge quand même, parce que... On va rester dans les limites de la bienséance. Et vous voyez, il se savonne. Oh là là, il est en plein bonheur de se laver. Monsieur le pape. Même si c'est pas votre salle de bain, vous voyez cette baignoire avec le pape dedans qui savonne. Ensuite, vous vous déplacez dans un troisième lieu. Et dans ce troisième lieu, vous voyez un bel homme en costume. C'est James Bond, qui joue de l'accordéon. En même temps qu'il joue de l'accordéon, il fait un peu des claquettes. Vous voyez, il a l'air à fond dedans. Il joue une bonne polka. Voilà. Ça, c'est votre troisième lieu. Maintenant, vous allez de nouveau dans une pièce suivante. Alors, peu importe si les pièces ne sont pas vraiment collées, juste visitez votre appartement. Si votre appartement est vraiment petit, vous pouvez sortir dans le couloir, voire dans la rue. Et dans votre quatrième lieu, je vais vous demander de mettre Batman qui joue à la pétanque. Donc, vous visualisez Batman qui tire ou qui pointe, comme vous voulez. Et s'il casse un objet au passage, c'est bien gênant, mais visualisez-le bien. Et enfin, vous vous déplacez dans un cinquième lieu. Et là, vous voyez V pour Vendetta, ou alors un mousquetaire avec un masque, si ça vous évoque rien, V pour Vendetta, qui regarde la télévision et qui n'a pas l'air très satisfait de ce qui se passe à la télé, parce qu'il l'explose avec un gros marteau. Même s'il n'y a pas de télé dans la pièce où vous êtes, c'est pas bien grave. Vous visualisez une télé et bam, V pour Vendetta qui détruit cette télé. Vous pouvez rouvrir les yeux. Donc a priori, si vous avez bien fait ce que je vous ai demandé, vous avez placé 5 images mentales dans 5 lieux dans votre appartement. Alors, est-ce que vous pouvez retrouver les images? Enfin, je vais peut-être vous parler un peu, essayer de les oublier un peu. Alors, non, d'habitude, on fait une petite tâche d'interférence. J'espère que... on va en tout dire cas, tu as la bonne voix pour être un bon psy. Hein. C'est vrai que tu es une voix très calme. Parfait. Ouais, je suis pas psy, je fais des trucs pas très sexy. Non, voilà, non, mais comme tu fais des études de psy, ouais. Mm-hmm. C'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai pas bien de faire visualiser des choses aux gens, mais c'est vrai que ça me plairait bien de le faire plus souvent. Alors, est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour me retrouver les 5 images qui ont été mises? Robin. Allez, Robin. D'accord, donc il y a Jules César sur mon lit qui est sur un cheval de jeu d'échecs, qui n'est pas un vrai cheval. Tout à fait. Il y a le pape qui prend un bain dans une baignoire tout habillé tout et qui se met plein de savon. Il y a James Bond, je peux vous dire dans quelle pièce, mais bon, vous en foutez un peu. Hein. Je trouve quand même que James Bond est dans la chambre de ma fille, ça me perturbe un peu, en train de faire de l'accordéon et des claquettes. Il y a Batman dans ma salle qui va défoncer le parquet avec sa pétanque, ce con. Et il y a un mousquetaire dans ma cuisine, parce que je connais pas V pour Vendetta, qui explose une télé avec un marteau. Ok, super. Donc tu as 5 images. Ouais. Je pense que la plupart des gens qui ont fait l'effort de visualiser ont les 5 images. Et en plus, tu les as eues dans l'ordre. Et la plupart des gens l'ont dans l'ordre. Bon. Et ben pour moi, ces 5 images, elles représentent 20 chiffres. Voilà. Vous venez tous d'apprendre 20 chiffres en quelques minutes. Bon. Alors, si vous avez réussi à apprendre 20 chiffres en si peu de temps, bon, c'est génial. Est-ce que je vous ai montré que la méthode des lieux marche? Presque. Est-ce que vous êtes convaincu que vous les avez bien appris? Eh ben, je peux vous dire, si vous les y repensez plus tard aujourd'hui, je suis presque sûr que vous les aurez encore, les images. Si vous les revoyez demain aussi, et si vous les révisez demain, ben, dans une semaine, vous les connaîtrez encore. Donc non seulement vous avez 20 chiffres, pour moi en tout cas, mais en plus c'est un apprentissage à long terme. Alors pour vous, évidemment, Jules César, par exemple, pour moi, Jules César, c'est 77. Bon. Alors pour vous, Jules César, ce n'est pas du tout relié à 77 et il n'y a pas de raison de relier Jules César à 77. Mais admettez que ce soit le cas pour moi et admettez que je pourrais vous distribuer une feuille où il y aurait écrit, il y aurait une colonne avec tous les nombres entre 0 et 99 et sur une deuxième colonne, il y aurait le personnage auquel ça correspond. Donc en face de Jules César, il y aurait 77 et en face de 84, il y aurait Bobby Fischer qui est un joueur d'échecs et qui, en fait, ce cheval en bois de Jules César est relié à Bobby Fischer aussi. Enfin, là, je suis allé un peu vite. Donc, en gros, en face de 84, j'aurais pu écrire « jeu d'échecs ». Et en face de 73, j'aurais pu écrire « Batman », etc. Et donc, avec ma feuille qui a mon code, vous auriez pu retrouver les nombres que je vous ai fait apprendre. Mais en fait, si j'anticipe un peu, mais j'ai une question qui me vient à l'esprit. Du coup, non seulement tu dois apprendre... il a fallu qu'on mémorise bon, Jules César, le pape, machin. Mais après, il faut apprendre le code aussi. Donc, c'est une autre, la relation entre chaque personnage et chaque... Mais ça, tu l'apprends une fois pour toutes. Alors, tout à fait. Il faut apprendre le code. Mais, ouais, et c'est bien ça... Aussi. Ça demande du travail, bon, ça demande quelques après-midi à faire un truc, à fermer les yeux, faire des images dans sa tête, essayer de retrouver des... Enfin non, pour faire le code, il n'y a pas besoin de faire tellement d'images, il faut juste piocher parmi ses connaissances et les personnages de fiction, etc., 100 personnages. Bon, alors on en connaît beaucoup plus que 100, en fait. J'ai rien que le nombre d'amis sur Facebook, c'est déjà beaucoup plus. C'est le nombre de personnages historiques et le nombre de personnages de dessins animés, de jeux vidéo, de tout ce qu'on veut. Donc bon, en fait, 100 personnages, c'est assez facile à trouver. Et après, il faut les associer à des nombres. Alors là, ouais. Bon, c'est un peu moins évident. Il y a des méthodes très efficaces pour faire. Mais bon, admettez que si on a un code, eh ben après, apprendre des chiffres, ça a l'air assez facile. Là, je vous ai fait apprendre 20 chiffres et vous les saurez pour longtemps. Donc 20 chiffres en 5 images, ça veut dire que je fais 4 chiffres par image. Et donc, en fait, dans chaque image, il y a deux éléments. Donc, Jules César sur un cheval, James Bond et l'accordéon. Donc, l'accordéon, c'est un autre élément. Le pape qui prend un bain, etc. Donc, à chaque fois, il y a deux éléments. Chaque élément correspond à deux chiffres. Donc, je pourrais vous décrire plus tard comment on apprend un code, mais c'est peut-être pas le plus pertinent maintenant. J'espère juste que cette toute petite démo vous montre bien comment ça marche. Il y a une question stupide, mais qu'il faut qu'on te pose. Qui tu as mis pour 69? Sauf si c'est pas avouable. Hein. Alors, à vrai dire, ouais, c'est tout à fait avouable. Mais après, vous ferez les. Non, 69, j'ai même pas fait d'association avec la chose évidente pour laquelle vous pensez que j'ai fait une association. Mais... Bon, c'est ta copine quand même, j'espère. Non, c'est pas ma copine, c'est. Une amie que je connais. Je rappelle bon. Que ah bah Irène a regardé pour la fin de l'émission de savoir s'il a une copine pour de vrai. Déjà, c'est pas sympa parce que vous devriez savoir que ma copine est déjà venue chez vous, en plus, certains d'entre vous. Oui, j'ai une copine. Oh là là. Je suis un scientifique à la base. Hein. Je fais ça juste pour vous stimuler l'esprit, moi. Je fais pas ça pour... Oh, mais il y a des matheux ici, il faut se méfier. Hein. Ils ont l'esprit un peu tordu. Hein. Ouais, en plus, étudier les nœuds jusqu'à. Ouais, exactement. Degré, c'est pas beaucoup plus. Non, j'ai beaucoup de respect pour les maths. Bon, et donc, c'est avec tous ces lieux-là et ton code que tu arrives à mémoriser ton packaging de tout à l'heure. Quoi. Voilà, donc c'est vraiment juste ça. Enfin, pour mieux décrire la méthode, en gros, on a besoin de deux ingrédients et seulement deux. Donc, il faut un parcours mental. Ou une série de parcours mentaux. Qu'est-ce que c'est un parcours mental ? Ben, c'est juste une suite de lieux qu'on arrive à retrouver dans l'ordre. Et en fait, dans notre vie de tous les jours, on fait plein de parcours. On va au boulot, on va acheter telle chose à tel endroit, on se déplace dans son appartement, etc. Et donc en fait, on a pas mal de parcours en tête. Et même des lieux où on est allé qu'une ou deux fois, on peut essayer de les revisualiser et refaire un parcours. Donc un parcours, c'est juste une suite d'endroits où on place des images mentales. Et donc, il faut que ce soit organisé de manière logique. Mais on a de la chance, comme on ne se téléporte pas n'importe comment et qu'on va dans les lieux en passant... Oui. Pour Pi, du coup, là, tu mémorisais combien de lieux pour tes 300 en nombre? Alors, pour Pi, c'est un peu spécifique parce que, justement, vu que je voulais retrouver les nombres à l'endroit exact où ils sont, sans avoir besoin de repasser tout le parcours, ouais. J'ai fait un truc un peu spécial. T'as été dans un hôtel? Non, j'ai associé... J'ai pris 50 lieux, enfin j'en ai utilisé que 30 pour l'instant, mais donc j'ai associé à chaque lieu un nombre. Donc, d'accord. Quand tu me dis la 228e, eh ben, je vais regarder dans mon lieu 22 la 8e décimale. Et donc je les apprends 10 par 10 en les mettant dans des lieux différents. Mais bon, c'est un peu plus sophistiqué, donc je pourrais en parler plus tard, mais c'est un peu plus compliqué pour pouvoir retrouver la xème décimale. Enfin, ouais, tu veux pas nous donner ton meilleur truc, quoi. si je pourrais, mais vu que c'est déjà pas ouais, bon, d'accord. La okay. peine de rentrer dans le... Enfin, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ok. En gros, c'est quand même une suite de lieux. Sauf que je les ai associés j'ai associé chaque lieu à un numéro plutôt que de faire une suite de lieux logique, quoi. D'accord. Et donc des parcours, ouais, je vous disais, on en a plein dans la tête. Et même, on peut même parcourir sa chambre, on peut devenir un mini-moi et puis visiter sa chambre. On se met sur son lit, on connaît bien les meubles. Donc bon, on regorge de zones où placer des choses. Et moi, j'utilise la méthode des lieux depuis 3 ou 4 ans. Non, un peu plus en fait. 5 ou 6. Mais du coup, par rapport à la question de tout à l'heure, là, tu mémorises que des nombres. Ça paraît difficile à appliquer pour mémoriser d'autres choses. Ah, pas du tout. On peut apprendre plein de choses, mais on va avoir les limites là. J'y viens. D'accord. Donc le premier ingrédient, c'est les parcours. Et le deuxième ingrédient, c'est il faut pouvoir transformer il faut pouvoir transformer l'information qu'on veut en une image mentale. Ouais. Donc ça a l'air un peu compliqué a priori. Parce qu'effectivement, on ne peut pas placer n'importe quelle information. On ne peut pas placer un mot comme ça, flotter. Je ne peux pas mettre anticonstitutionnellement, flottant comme ça dans mon lit. Effectivement, ça ne marchera pas. Il faut placer des images. Enfin, ce que je vais appeler des images mentales, on pourra revenir plus tard sur les limites de ces images mentales. Donc alors, il y a deux types d'images mentales, on va dire. Soit on a un code qui permet de transformer systématiquement l'information qu'on veut retenir en une image mentale. Donc c'est le cas pour les nombres. Pour les nombres, à chaque nombre entre 0 et 99, j'ai un personnage qui fait une action. Donc là, j'ai de manière systématique tous les nombres possibles, je peux les visualiser avec mon code. Et seulement, il y a plein d'autres informations, évidemment, qu'on aurait envie d'apprendre sans qu'on puisse faire un code. Par exemple, si j'ai envie d'apprendre les noms des rois de France, ben forcément, je vais pas associer à chaque prénom et à chaque nom une image mentale. Quoique, vu qu'il y a des grandes dynasties et il n'y a pas tant que ça, on pourrait presque imaginer que certaines dynasties... Ouais, non, bon, a priori, on ne ferait pas de code. Donc, quand on n'a pas de code, eh ben, il faut utiliser son imagination. Et je voulais juste dire, il y a certains mnémonistes en fait, qui apprennent aussi des prénoms et des noms. Donc, par exemple, il y a un magicien qui s'appelait Harry Lorraine, je ne sais pas s'il est mort en fait, mais c'est déjà très vieux son livre, qui apprenait 200 noms et prénoms en une soirée, et il faisait ça quasi tous les soirs où il faisait une représentation. Donc il croise quelqu'un, il apprend son nom et son prénom, hop, 200 fois de suite dans la soirée, et tout le long de la soirée, il appelle les gens par leur nom et prénom sans jamais se tromper. Wow. Il y a aussi des gens qui arrivent à faire ça, et là, les noms et prénoms, bah, pour faire un code, c'est pas évident, quoi. Et donc, il faut libérer son imagination pour trouver une image mentale qui correspond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, libérer son imagination ? Bah, faut juste faire des associations. Si on a un nom, un nom étranger, alors je peux prendre vos noms. Irène Revenko. Au hasard. Donc, Irène, bah, je pourrais avoir une sirène. Et puis, Revenko, rêve. Voilà, une sirène qui rêve. Alors, j'essaierai de visualiser une sirène qui rêve. Alors, comment elle rêve ? Revenko. Je dirais, ça se voit sur ses yeux, elle dodeline de la tête ou quelque chose comme ça. Voilà, je mettrais une sirène qui dodeline de la tête et puis en revoyant la sirène, bah, je repenserai à Irène, parce que je sais que sirène, c'est pas un prénom en soi. Et rêve, ça devrait pouvoir me faire retrouver le nom de famille. Donc il y a des gens qui arrivent à faire ça en un claquement de doigts instantanément, ils trouvent des associations et bam, ils placent une image. Et quand il repense à l'image, il n'y a pas besoin d'avoir encodé toute l'information. Il faut juste que ça rappelle à peu près. Il va se rappeler sirène. Ah oui, Irène. Ça, il n'y a pas de souci a priori pour retrouver. Et donc, on peut aussi apprendre effectivement plein d'infos, les noms, les prénoms. D'ailleurs, il y a des épreuves autour des noms, prénoms associés à des visages. Moi, je trouve ça super dur, mais il y a des gens qui arrivent à ça. Parce que non seulement faire l'association, mais il faut aussi l'associer à la personne. Bon, et là, c'est plus, il n'y a pas forcément un lieu qui vient tout de suite à l'idée, quoi. Alors, il y a des gens, pour retenir les noms, prénoms, ils vont utiliser une caricature du visage et associer quelque chose à la caricature du visage. Enfin bon, c'est assez... Là, ça, quand ça demande de l'imagination, c'est un peu plus difficile à voir comment ça marche et il faut vraiment pratiquer pour se rendre compte. Pour le coup, c'est peut-être moins accessible à tout le monde, non ? Je sais pas, en s'entraînant, je pense que la plupart des gens y arrivent. Moi, je me suis peu entraîné. Mais après, j'ai appris plein d'autres choses qui n'ont pas de code. Enfin, j'ai appris des infos pour des noms. J'en ai appris beaucoup pour mes cours, enfin, pour faire des références scientifiques. Donc, il suffit... N'importe quelle association, en fait, devrait permettre de retrouver l'information initiale. Alors, ce ne sera pas fiable à 100% comme pour les nombres, mais globalement, hop, si on arrive à faire une association sur un nom, à dire tiens, ça me fait penser à ça, a priori, on devrait pouvoir faire une image qui sera un assez bon indice. Et quand je dis assez bon, bah, y a des gens qui sont exceptionnellement bons, quoi. Donc, juste pour décrire rapidement mon code pour apprendre les nombres, je vous avais dit, je mets un personnage qui fait une action. Et donc, en une image, le personnage qui est acteur, c'est mes deux premiers chiffres, et l'action, c'est les deux chiffres suivants. Et donc, mon code, ça s'appelle un code personnage-action. Et donc, à chaque nombre, entre 0 et 99, j'ai associé un personnage qui fait une action. Donc, si, par exemple, le 45, c'est Jacques Chirac qui prend un bain. Alors, pourquoi il prend un bain? C'est parce qu'il avait promis qu'il prendrait un bain dans la Seine s'il était élu, puis il ne l'a jamais fait. Mais bon, c'est son action. Et alors, comment 45, je l'ai associé à Jacques Chirac? Alors, en fait, j'utilise un code entre des chiffres et des lettres. Et donc, le 4, pour moi, c'est la lettre R. Et le 5, c'est pas vraiment une lettre, mais c'est le son que. Et donc, R, c'est bah, Chirac. Alors, je sais, il y a le ch au début de Chirac, mais bon, c'est pas grave, Chirac. Voilà comment j'ai trouvé 45 Jacques Chirac, quoi. Alors, ça a l'air un peu arbitraire, et ben, c'est pas mal arbitraire, mais c'est pas grave, je l'ai retenu. Et maintenant, toute ma vie, j'associerai Jacques Chirac à 45 et à prendre un peu. Non, mais c'est cool quand même. Hein. Ça paraît peut-être tiré par les cheveux, mais en fait, il y a quand même une logique derrière, finalement, même si c'est ta logique et que c'est la tienne, mais quand même, ça marche, quoi. C'est impressionnant, je trouve. En tout cas, ça marche très, très bien. Et bon, construire son code, moi, j'ai pas eu trop de mal. Après, j'ai des amis qui me disent « Oh, quand même, j'ai passé un temps fou ». Moi, ça va. Franchement, j'étais très motivé pour le faire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un grand accès de geekerie peut-être, mais en même pas une semaine, je maîtrisais mon code et voilà, je pouvais apprendre des nombres. Donc bon, je pense. Enfin, je me rappelle avoir fait ça deux après-midi, en gros. Après, je connaissais mon code et je peux apprendre des nombres pour toute ma vie. Bon, mais je ne le fais pas systématiquement non plus. J'arrive encore à oublier des digicodes parce que je ne les encode pas bien, etc. Bon. Dans la vie de tous les jours, apprendre les noms, ça ne sert pas forcément. Mais néanmoins, la méthode est très performante et j'ai quand même appris plein de choses grâce à ça. Voilà, alors j'espère que vous avez à peu près compris tout ce que j'ai raconté sur la méthode. J'ai prévu de continuer en vous parlant de pourquoi la méthode est efficace et de pourquoi elle n'est pas utilisée à l'école. Mais si vous avez des questions sur la méthode elle-même ou sur comment je fais quelque chose, bah, c'est le bon moment. Peut-être de regarder un peu la chatroom aussi, je ne sais pas. Non, regarde pas la chatroom. Je regarde pas la chatroom. Tout le monde. Non, mais c'est. Ok, donc. Si ça vous inspire un commentaire, la méthode, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Il y avait plutôt des questions sur est-ce que ça peut servir dans la vie de tous les jours, d'autres choses que des nombres, tout ça, machin. Alors on va y venir. Ils sont plutôt ceux de la suite, je pense. Ouais, je vois. Ok, j'ai gardé ça pour la fin, les applications. Je ne sais pas, c'est censé durer combien de temps l'émission? Le temps qu'il te faut. Le temps qu'il me faut, bon. Ouais. Moi, je suis à plus de la moitié, on y arrivera sans problème. On va y arriver. Donc, deuxième partie de mon exposé, c'est qu'est-ce qu'on retient et pourquoi la méthode des lieux, ça marche. Donc... on va essayer de réfléchir à ce qu'on retient. Et pour ça, on va commencer par comparer la mémoire des apprentissages avec la mémoire des événements qu'on vit. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'on ne fait pas du tout d'efforts pour mémoriser ce qu'on vit au jour le jour. Par exemple, on voit quelqu'un, on le rencontre, on voit son visage, on apprend son nom et son prénom. Et ben voilà, on les a appris. Il n'y a pas besoin de faire un effort et de se passer la soirée à essayer d'apprendre dans sa tête qui c'était celui-là, comment il s'appelle. Enfin, ça peut servir des fois, mais sur le court terme, en tout cas, on arrive très bien. Donc, on retient les visages des gens qu'on rencontre, on retient assez bien les conversations qu'on a, on retient assez bien les endroits qu'on visite. Quand on visite un endroit, bah, on l'a visité et on pourrait pas le redessiner parce qu'on n'est pas bon pour dessiner, mais dans notre tête, on arrive à visualiser à peu près à quoi ça ressemble. En revanche, dès qu'il s'agit d'apprendre une leçon ou du vocabulaire ou un numéro de téléphone ou un discours, et ben là, c'est une toute autre affaire. Il faut faire des efforts conscients pour mémoriser. Et là, on a vraiment l'air d'être nul et on galère. Et en fait, tout vient à la différence entre reconnaître et rappeler. Alors, on est capable de reconnaître un visage qu'on a vu une seule fois, même plusieurs mois après. Alors, ce n'est pas systématique. Il y a des gens qui ne sont pas très bons pour reconnaître les visages. Mais globalement, quand même, on voit un visage une fois, un mois après, bam, on le reconnaît. On reconnaît les objets, on peut dire « Ah, ça, c'était ton stylo, ça, c'était ton pantalon. » Enfin, bon, le pantalon, ils ne sont pas forcément très différents, etc. Mais globalement, on reconnaît un objet. Et si on a vécu une situation similaire à celle qu'on est en train de vivre, eh ben, immédiatement, elle va revenir à l'esprit. Et enfin, ouais, quand quelqu'un nous raconte quelque chose, ben, en général, on retient à peu près. On ne retient pas les mots, mais on retient ce qu'il a dit. Et on le prend en compte. Et on va se rappeler qu'il ne faut pas faire de bêtises sur telle ou telle chose. Et on confond rarement qui nous a dit quoi. En tout cas, sur le court terme. Sur le long terme, bon, j'ai oublié qui nous a dit quoi. Mais globalement, on peut dire « un tel m'a dit ça aujourd'hui ». Et donc, en fait, si on y réfléchit bien, bah, y a énormément d'informations qui sont enregistrées chaque jour. Et notre cerveau, bah, il enregistre beaucoup de choses qu'on vit. Et il est super fort pour reconnaître. Donc si quelqu'un va nous redire la même chose qu'on a déjà entendue aujourd'hui, alors là c'est sûr, on va s'en rappeler. On va dire « Ah oui, mais quelqu'un m'a déjà dit ça aujourd'hui ». Et tout ça, ça se fait sans le moindre effort de mémorisation. C'est-à-dire on est très très fort en fait. On a une mémoire qui reconnaît très très bien les visages et les lieux, etc. Et il n'y a aucun effort. Donc alors, bon, un petit peu de vocabulaire de psycho. On dit qu'on se rappelle d'une information quand il y a un indice de récupération qui est associé à l'information, qui peut nous y faire penser. Donc, par exemple, bon, je vais citer l'exemple fameux de l'odeur de Madeleine trempée dans le thé qui rappelle à Marcel Proust des souvenirs d'enfance. Donc ça, c'est le cas emblématique de l'évocation d'un souvenir par un indice de récupération. Donc il sent l'odeur de Madeleine et bam, ça lui rappelle les journées passées avec sa grand-mère. Enfin, moi, je n'ai pas lu le livre, mais je crois que c'est ça. Hein. Donc là, en l'occurrence, l'indice de récupération, c'est une odeur. Donc, c'est un indice perceptif. C'était le goût, hein, mais bon, ça ne fait rien. C'est pas grave. C'est le goût. Je croyais que c'était l'odeur. Parce que justement, quelqu'un m'avait... Quand il la mange. Mais c'est quand il la mange. Quand il la mange. Et d'accord. Il lui faut un petit peu de temps, en plus. Ça ne vient pas tout de suite. Il a une sensation et il faut qu'il réfléchisse. Il en reprend un morceau et là, ça déclenche. Mais néanmoins, juste à partir d'une perception, il va retrouver des souvenirs. Et donc, si on est capable de rappeler une information comme ça, si on la reconnaît, là, il reconnaît le goût de la madeleine, bah, c'est que notre cerveau l'a encodé, cette information. Il l'a encodé d'une manière à ce qu'on puisse la rappeler. Et donc, dès que le cerveau encode quelque chose, bah, on a envie de dire qu'elle a mémorisé. Mais spontanément, quand on parle de notre mémoire qui se plante tout le temps, ben en fait, on a envie de dire qu'on a mémorisé quelque chose que quand on est capable de retrouver sans indice, pas quand on est capable de reconnaître. Et par exemple, vous êtes peut-être capable de reconnaître le numéro de téléphone de votre tante, ou je sais pas, enfin bon, maintenant, non, c'est écrit tante machin. Donc, c'est sûrement la plupart des gens ne sont pas capables de reconnaître ce numéro de téléphone, mais admettons. On est capable de reconnaître le numéro de téléphone, mais si on n'est pas capable de le rappeler spontanément, ben on n'est pas capable d'appeler sa tante quand on en a envie. Donc on a envie de dire qu'on ne l'a pas mémorisé, mais quelque part, notre cerveau l'a quand même mémorisé. Effectivement, et de la même manière, reconnaître la bonne réponse à un quiz ou à un examen, ben ça ne va pas nous aider à compléter le quiz ou à compléter l'examen si on ne fait que reconnaître et si on n'est pas capable de rappeler. Mais néanmoins, au niveau du cerveau, on peut quand même dire qu'il y a une mémoire qui reconnaît. Cette mémoire qui reconnaît, elle est vraiment balèze, en fait. Elle mémorise énormément, énormément de choses. Et on peut se demander ce que c'est un oubli, au final. Dès qu'on a un lien vers une information, ben, on peut dire qu'on l'a mémorisée. Et une information, elle est oubliée quand on n'a plus de lien qui pointe vers cette information. Mais en fait, on ne peut jamais vraiment être certain qu'on a totalement oublié une information. À un moment donné, on peut juste dire qu'on n'est pas capable de retrouver l'information avec les indices qu'on a. Et en fait, c'est même encore un débat en psychologie qui n'a pas été réglé du tout, alors que c'est une question fondamentale, j'ai envie de dire. On ne sait pas si le cerveau enregistre tout ce qu'on vit d'une certaine manière et est juste incapable de retrouver la plupart du temps. Ou alors, s'il oublie la plupart des choses, s'il oublie vraiment, c'est-à-dire... Il y a oublier, ne pas être capable de rappeler, et puis oublier, c'est même plus dans le cerveau sous aucune forme que ce soit. Et en fait, il y a des cas très troublants. Par exemple, il y a Je sais pas, vous avez dû entendre parler du neurologue Oliver Sacks, bon, qui est décédé récemment. Ouais, ouais. Mais il a décrit le cas d'une patiente qui, sous l'effet d'une crise d'épilepsie, était capable de chanter des chansons. Enfin, elle s'est mise spontanément à entendre des chansons dans son oreille, des chansons de son enfance, et puis elle chantait avec. Et donc, je ne sais plus si c'est Oliver Sacks lui-même qui suivait cette patiente ou il l'a juste décrit de quelqu'un d'autre. Mais bon, admettons que le docteur qui suivait cette patiente... Non, c'était sa patiente, en fait. C'était bien sa patiente qui s'est mise à... Et je crois que c'était dans un langage différent aussi. C'était, ou alors c'était la langue native de sa mère, ouais. Quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, elle s'est mise à... Alors qu'elle ne pensait pas du tout... Elle n'y avait jamais pensé, oui. Et tout d'un coup... Je sais bien que c'est elle qui chante, hein, mais je ne sais plus si c'est Oliver Sacks lui-même qui a noté les paroles. Oui, c'était sa patiente. Chantait ouais. La patiente. Ouais, et il a retrouvé la chanson et la patiente est vraiment, elle avait vraiment bien reconnu la chanson et elle chantait voilà. Et pourtant cette patiente eh ben, elle n'avait jamais appris ses chansons et c'est des chansons de son enfance qu'elle a souvent entendues dans son enfance, mais elle n'a jamais fait aucun effort conscient pour apprendre par cœur ses chansons et elle les avait oubliées ses chansons en plus. Ouais. Ouais, ouais. Et donc une fois la crise passée, la crise d'épilepsie, donc elle a pris des médicaments qui annulent la crise d'épilepsie, enfin annulent bon. Par défaut d'un autre mot là tout de suite. Donc une fois la crise passée, la patiente, elle est de nouveau totalement incapable de rappeler les chansons. Et pourtant, elle se rappelle très bien qu'elle les a chantées la veille. Et donc ça, c'est un cas vraiment impressionnant où même si l'information est plus accessible après la crise d'épilepsie, et même si on a beaucoup de... Enfin, je pense qu'on peut dire que probablement sans la crise d'épilepsie, cette patiente ne se serait jamais rappelée de ses chansons. Et bien pourtant, on a la preuve, puisqu'elle est capable de les chanter, que cette information était stockée d'une certaine manière dans son cerveau et que la crise d'épilepsie a réussi à évoquer cette information. Et donc ça, c'est un cas qui... Enfin, et des cas comme ça, il y en a plusieurs, hein. pas énormément, mais souvent dans les crises d'épilepsie et même dans les expériences où on stimule directement le cerveau, les gens évoquent des souvenirs avec une grande précision, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement le souvenir de se rappeler de ces événements banals. Ils sont souvent capables d'évoquer des événements très banals. Et donc, a priori, peut-être il est possible que notre cerveau encode quasiment tout ce qu'il vit. Et il y a même quelques patients, enfin en fait, il y en a un seul vraiment bien documenté, qui s'appelait Solomon Cherashevsky. Donc c'est le fameux mnémoniste étudié par Luria dans un livre d'Alexandre Luria. Donc Alexandre Luria, c'est un grand neurologue, un neuropsychologue, c'est l'inventeur de la neuropsychologie, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Mind of a Mnemonist. Et son patient se rappelait de quasi toute sa vie, quoi, de verbatim, presque toutes les conversations qu'il a eues. Et il a pris des listes de chiffres, alors lui des centaines, et pendant 10 ans, il était capable de rappeler celles qu'il a apprises il y a 10 ans, enfin, du grand délire. Et donc, juste le fait qu'un patient comme ça existe, ça semble indiquer qu'un cerveau a le potentiel d'apprendre quasiment tout et de retenir quasiment tous les détails. Enfin, pas tous les détails, mais une somme de détails, quasiment tous les détails qui ont sauté à notre conscience, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant. Hein. Et bon, du coup, on peut se demander pourquoi on oublie tellement de choses, pourquoi notre cerveau ne nous fait pas retenir tout ce qu'on voudrait. Et c'est une grande question, mais bon, ça risque de nous mener un peu trop loin. Bon, en tout cas, c'est très difficile, voire impossible, de dire si une information particulière a vraiment été oubliée ou si elle est juste inaccessible. Et la méthode des lieux, donc, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de chercher à une adresse mémoire, en quelque sorte. Elle nous permet de chercher à un endroit. On place des informations à un endroit. Donc, la mémoire des ordinateurs... elle est infaillible et elle peut toujours retrouver ce qui se trouve à une mémoire spécifique, enfin quasi infaillible. Mais seulement la mémoire des ordinateurs, en réalité, elle est beaucoup moins puissante que la mémoire humaine, même si on n'a pas l'impression. Parce que la mémoire humaine, sa principale capacité, c'est de retrouver spontanément l'information utile au moment opportun. Mais malheureusement, nous, humains, on n'a pas la capacité de consciemment décider de demander à notre cerveau de chercher ce qui se passe dans une adresse mémoire spécifique, comme le ferait un ordinateur. À part avec la méthode des lieux, en fait. La méthode des lieux, elle permet de chercher à un endroit. Alors, la métaphore de l'endroit n'est pas forcément parfaite, mais néanmoins, on peut associer des choses à un endroit. Et grâce à la méthode des lieux, on peut retrouver ce qui est placé à un endroit de notre, notre mémoire mentale, de nos lieux mentaux en tout cas. Et alors pourquoi ça marche ? L'évolution, elle nous a donné une très bonne capacité à reconnaître les lieux et les itinéraires, forcément, parce qu'il faut savoir où on veut aller et il ne faut pas se planter. C'est super important. Et c'est assez intéressant que la structure du cerveau qui permet de créer ce qu'on appelle les traces mnésiques épisodiques, donc c'est vraiment ces souvenirs précis d'un événement qui s'est passé à un endroit à tel moment. Donc cette structure du cerveau, c'est l'hippocampe. Et c'est aussi l'hippocampe qui nous permet de nous orienter dans l'espace. Donc en fait, c'est une même structure qui à la fois fait orientation dans l'espace et qui est nécessaire pour créer des traces mnésiques épisodiques, qui sont ces traces mnésiques riches que nous, on appelle mémoire la plupart du temps, même si on peut dire que plein d'autres choses constituent une mémoire qui ne sont pas forcément épisodiques. Et donc l'organisation de notre mémoire spatiale qui est très efficace de manière innée, elle peut être réutilisée et c'est très pratique si on veut apprendre des choses dans l'ordre parce que justement on se rappelle dans un itinéraire, on se rappelle des lieux dans l'ordre. Donc il suffit de placer les informations le long d'un parcours. Et donc voilà, grâce à la méthode des lieux, on peut hacker, entre guillemets, on peut réutiliser notre mémoire des lieux pour apprendre, comme un ordinateur le ferait, pour apprendre littéralement une somme d'informations pas évidente. Alors pour récapituler, donc la méthode des lieux, ça permet de créer des liens entre des images mentales et des lieux mentaux. Et comme notre mémoire des lieux et de leur organisation est de manière innée très performante, et qu'en plus notre vision et notre sens le plus développé, c'est une très bonne méthode de mémorisation que de placer des images mentales le long du parcours mentaux. Alors maintenant je vais faire une petite remarque sur le mot « image mentale ». En fait, ces images mentales, elles n'ont pas vraiment les propriétés des images qu'on voit. Et en particulier, une image qu'on voit, c'est extrêmement riche. Quand je vois un tableau, je vais voir énormément de détails, alors que dans une image mentale, je ne vais pas pouvoir mettre autant de détails que dans une image réelle. Je ne vais même pas en mettre beaucoup du tout. Donc, ce n'est pas vraiment visuel, en fait, les images mentales. Même si on a envie de dire que c'est visuel, pour plein de raisons, parce que quand on visualise, on a envie de dire que c'est visuel. Mais pourtant, il y a une limite, je ne peux pas mettre autant d'éléments que je veux. Par exemple, je ne pourrais pas mettre plus de 3 éléments. Moi, je me limite à 3 éléments. Donc, je pourrais par exemple retenir BHL avec un chapeau haute forme qui passe la tondeuse. Donc ça, je pourrais le mettre comme image. Ça fait 3 éléments, BHL, chapeau haute forme, tondeuse, ça va. Mais maintenant, je pourrais aussi essayer de rajouter un quatrième détail. Par exemple, qu'il a une cravate ou qu'il a des grosses chaussures rouges ou n'importe quoi. Et là, j'aurais 4 éléments et ce serait plus dur. Et si j'en rajoute un cinquième, je suis presque sûr que je n'arriverai pas à faire une seule image mentale que j'arriverai vraiment à retenir. Et donc, moi, je me limite à 3 éléments dans une image mentale. Donc ça, c'est vraiment peu par rapport à une image réelle. Quand on voit une image réelle, on voit évidemment beaucoup, beaucoup plus de choses que 3 éléments. Et par exemple aussi, je ne pourrais pas retenir un pattern visuel compliqué comme un drapeau, enfin même un pattern simple comme un drapeau. En fait, par exemple, le drapeau du Royaume-Uni, alors il a l'air simple et je l'ai en tête et je peux le visualiser dans ma tête et je peux me rappeler que j'ai visualisé le drapeau du Royaume-Uni, mais je ne pourrais pas le dessiner, enfin je ne sais même pas si je sais dessiner le drapeau du Royaume-Uni, mais ça, imaginons que je ne connaisse pas à quoi ressemble le drapeau du Royaume-Uni et qu'on vienne de me l'apprendre, eh ben, j'arriverai pas à le placer visuellement quelque part. Même si j'arriverai à pointer vers l'idée de drapeau du Royaume-Uni, le pattern visuel lui-même, ce ne serait pas évident de le visualiser. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui fait que l'image mentale, ce n'est pas vraiment quelque chose de visuel. Et en fait, ce n'est pas un débat qui est résolu et ce n'est pas clair du tout en psychologie ce qu'on va entendre par image mentale et quelles sont les limites de ce que c'est une image mentale. Et en sciences cognitives, il y a toujours un débat là-dessus. Et est-ce que je peux t'interrompre ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est vrai aussi pour les gens qui peignent, par exemple ? J'ai l'impression que les gens qui font de la peinture peuvent peut-être avoir une meilleure image mentale que le commun des mortels qui ne peint pas, par exemple. Est-ce que c'est vrai ou non ? Ça me paraît tout à fait vrai. Après, je n'ai pas lu d'études là-dessus, à vrai dire, et je ne connais pas de peintre, mais je suis presque sûr qu'effectivement, les gens qui savent dessiner de tête... Il y a peu de gens qui savent dessiner vraiment des visages de tête. Ou exactement. Bien. Parce que je me dis, même les gens que l'on voit tous les jours, même nos enfants, nos femmes, maris, machin, on a l'impression qu'on les... qu'on les connaît bien finalement, qu'on les reconnaît sans arrêt. Mmh. Mais si on devait les dessiner, je pense que ça serait vachement dur en fait. Oui, tout à fait. En tout cas, les gens qui ne dessinent pas couramment sont incapables, ça c'est clair. Mmh. Mais on est capable de faire des portraits robots qui, me semble, sont assez corrects. Je ne sais pas, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Et en fait, parce que moi, d'expérience, pour les fois où j'ai essayé de dessiner de mémoire ou à des visages, je pense qu'on arrive beaucoup plus facilement à dessiner et mémoriser un visage d'une personne qu'on ne connaît pas que d'une personne qu'on connaît très bien, en fait. C'est vrai. Ah ouais, c'est que les personnes que tu connais, en fait, tu y mets tellement d'affect sur le visage qu'en fait, tu te rends compte que tu ne la regardes pas. Tu vois pas ses traits, en fait. Tu peux essayer sur tes parents, à l'occasion, vous pouvez essayer sur vos parents, et d'essayer de les regarder en mode scruter le visage et compagnie, vous vous rendrez compte que vous aviez jamais remarqué qu'ils avaient ce nez-là, ces oreilles-là, ces machins, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est super intéressant, ça. Ouais. C'est comme... ça fait un temps, je me suis pas posé la question, mais je me souviens quand je vivais encore avec mes parents, j'arrivais pas à dire si je les trouvais beaux ou non. C'est une question bête, hein, mais effectivement, il y a tellement d'affectif qui est lié que il y a une distorsion, je pense. En tout cas, bon, moi je sais pas dessiner, donc je m'y risquerai pas, même avec quelqu'un que je connais pas du tout. mais c'est vrai que on est clairement... L'autre élément là-dessus pour compléter, c'est un truc qu'on te dit des fois en cours de dessin ou quoi, c'est qu'en fait, quand tu vas dessiner quelque chose ou quelqu'un, tu vas essayer de faire abstraction de la... Enfin, tu vas essayer de dessiner les formes et les traits que tu vois en essayant de faire abstraction de ce que c'est vraiment, quoi. Et c'est ça qui va faciliter le dessin. Alors après, t'as un niveau supérieur où la personne comprend les volumes et les dessine un peu en ayant compris le volume, mais le niveau zéro qui te permet de très vite dessiner assez bien, c'est d'essayer de dessiner les traits que tu vois sans essayer de comprendre la logique et du coup d'être très éloigné de justement ce côté affect que tu vas mettre sur un visage ou sur une personne, quoi. Je compléterai même en disant que si tu veux bien dessiner quelque chose, recopier, il faut mettre l'original à l'envers. C'est-à-dire que si tu veux copier un dessin, on y arrive beaucoup mieux. C'est si ça, t'as des méthodes comme ça, t'as à mettre à l'envers et t'as une autre méthode qui est rigolote, alors qui marche pas pour les visages, mais qui va marcher pour des objets, c'est de dessiner uniquement les trous. Au lieu de dessiner les trucs que tu vois, tu dessines les vides, en fait. Et en fait, ça peut te permettre... Alors, il faut un truc avec des vides. Hein. S'il n'y a pas de vide, ça ne sert à rien. Mais ça te permet d'avoir des choses assez réalistes parce qu'en fait, tu ne te concentres pas du coup plus du tout sur l'objet, un peu comme quand c'est tu... C'est pas mal, ça aussi. J'avais lu qu'il fallait désapprendre à voir pour apprendre à dessiner. Ouais. Enfin, réapprendre à voir ce qu'on voit vraiment et pas juste voir les objets qu'on interprète, quoi. Et ouais, qu'on interprète, voir les traits. Mais du coup, est-ce qu'un bon dessinateur serait capable de dessiner le visage de quelqu'un spontanément de tête? Parce que même les bons dessinateurs utilisent des modèles. En fait, je crois que c'est tout va se jouer là-dedans, ta définition de bon dessinateur. Je pense que tu as des gens qui vont y être exercés à ça. En gros, typiquement, si tu prends dans les dessinateurs professionnels des dessinateurs de tribunaux, par exemple, je pense qu'il y a des types de dessins où ils vont mémoriser très vite parce qu'ils sont habitués à ça. Les portraitistes que tu as à Paris, à certains endroits, à Montmartre et compagnie, je pense pareil, ils vont très rapidement être capables de dessiner des visages et sans doute en partie de mémoire ou quoi, parce qu'ils sont habitués. Donc je pense que tu as un entraînement derrière, mais je sais pas à quel point c'est de la mémoire ou c'est des... ça doit être des automatismes un peu comme ça. Alors, je sais pas comment ça se code, parce que je pense pas qu'il y a un entraînement, mais plus une habitude en fait de savoir quoi scruter et tout. Enfin, moi j'ai pratiqué un peu le dessin où au bout d'un moment tu as des réflexes d'alignement, par exemple. Tu vas aller tout de suite voir que le coin de l'œil est aligné avec le côté de la bouche, donc tu sais que tu as une droite que tu peux tracer ou des choses comme ça, quoi. Ah ouais, super. Et, et je pense que c'est des clés comme ça qui vont être plus rapides, quoi. Parce que, c'est super intéressant. Alors en psycho, il y a pas mal d'études sur la reconnaissance des visages, parce que c'est une capacité, qui est vraiment intéressante. Et on s'est rendu compte qu'en changeant l'écartement des yeux sur des photos, par exemple, ça va être beaucoup plus dur de reconnaître un visage en changeant l'écartement des yeux qu'en changeant les yeux eux-mêmes, mais en gardant le même écartement. Et souvent, donc, notre cerveau encode très précisément des distances en fait, entre les différents éléments du visage, plus que les éléments eux-mêmes. Donc on peut changer le nez et les yeux d'une personne, mais en gardant exactement les mêmes distances. Et je crois qu'on reconnaît mieux que si on garde le nez exact et les yeux exacts et qu'on les déplace un peu. Enfin, je suis plus sûr de ça, mais en tout cas, il y avait des trucs super intéressants là-dessus. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et il y a des gens qui reconnaissent plus les visages, même si en fait, ce qu'ils ont perdu, c'est justement cette capacité, donc c'est inconscient, hein, à reconnaître ces espacements. Et ils peuvent dire, ça c'est le nez de machin, et ils s'entraînent d'ailleurs à ça, ceux qui reconnaissent plus les visages, ils s'entraînent à reconnaître des parties du visage, des détails, et ils arrivent à reconnaître les gens grâce à ça, mais ils ont énormément de mal, et c'est beaucoup moins spontané, et il faut qu'ils soient sur le bon angle, etc. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est assez intéressant. Enfin bon, c'est un autre champ d'étude, évidemment. Ouais, mais c'est vrai que ça serait bien de faire une émission sur la mémoire, hein, c'est parce que c'est vraiment fascinant. sans doute pas qu'une. Ouais. mais c'est vrai, bon... en tout cas, pour finir rapidement là où j'en étais, ou je sais pas. Vas-y. Donc les images mentales, oui, voilà, je disais que c'était pas résolu exactement. Qu'est-ce que c'était une image mentale, et même pour les mnémonistes, chacun y va un peu de sa sauce. Il y a pas vraiment de, mais je pense en général trois éléments maximum, c'est ce que la plupart des mnémonistes utilisent. Donc c'est pas vraiment des images visuelles, c'est des quelque chose qui a l'air visuel d'un certain point de vue, et en même temps on peut pas mettre plus d'informations, donc c'est sûrement lié aux limites de notre attention, mais bon, c'est pas encore clair. Et en plus ouais, en sciences cognitives on a fait pas mal d'études IRMF, donc on place les gens dans un IRMF et on voit en direct quelles zones du cerveau sont plus activées que d'autres. Et donc l'étude la plus bidon qu'on peut faire avec ça, c'est juste demander à des gens de fermer les yeux et de visualiser quelque chose. Et même là-dessus, donc c'est l'étude la plus bidon, hein, on demande aux gens de fermer les yeux, de visualiser, c'est vraiment pas compliqué. On compare avec juste regarder une image, et on compare avec imaginer autre chose qu'une image, ou bien faire une autre tâche. Et même là, c'est pas vraiment clair, est-ce que ça active le cerveau visuel primaire ou pas, de visualiser mentalement une information. Et donc, il y a des études qui disent que oui, des études qui disent que non, et il y a un débat qui fait encore rage. Ce qui est assez déprimant, je trouve, parce qu'après 20 ans de... Non, je ne sais plus combien d'années exactement, mais d'études IRMF, on aurait pu se dire que c'est une réponse avec un paradigme aussi simple. Juste ferme les yeux, visualiser quelque chose. Est-ce que ça active les aires visuelles primaires? On aurait pu se dire que ça en aurait la réponse. Bah, même ça, on ne l'a pas vraiment. Donc, bon, moi, j'étais un peu déçu en lisant ces trucs-là. Et donc c'est pas vraiment clair que les images mentales c'est quelque chose de vraiment visuel. Bon, voilà, malheureusement on n'aura pas de réponse de la part de l'IRM. Et c'est pas tu vas pas t'attaquer à ce genre de problème quand je sais pas si tu vas pas faire de la recherche en dans les neurosciences, hein, je toi, pense pas que je ferai des recherches dans les neurosciences. Non, je pense que c'est très mal barré là, mais ah ouais. Non, j'ai commencé une thèse de psychologie, en fait, et j'ai arrêté. Donc là, je suis en... Et je n'ai pas ma thèse, mais... C'est bon. Des choses qui arrivent. Mais bon, il n'y a pas trop tard, hein. Bah, il n'y a pas plus tard, pas trop tard pour recommencer, mais pour différentes raisons. Si j'ai bien envie de refaire de la science, et d'ailleurs autour de la mémoire, mais ce serait en open science, donc moi-même sur mon blog, en donnant toutes les méthodes ouvertement. Ouais. Et s'il y a des sujets qui me paraissent valoir le coup, quoi. Et pas dans un cadre... Enfin, j'essaierai de publier quand même, hein, mais... T'as été dégoûté du monde académique, à part ça. Ouais, franchement, ouais. Bon, pour plein de raisons. Je disgresse, ouais. Non, mais... J'aurais plein de choses à dire là-dessus aussi, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. On comprend, enfin, oui. Il y a des raisons, effectivement, d'être déçu, ouais. En tout cas, la méthode des lieux continue à m'intéresser. Et bon, j'ai étudié ça en M2, en fait, d'un point de vue scientifique, la méthode des lieux. J'ai regardé tout ce que les psychologues avaient fait. Bon, j'étais quand même bien déçu. Enfin, c'est dans ma dernière partie, j'y arrive bientôt, donc je vais peut-être pas sauter tout de suite. Bah ouais, parce que l'heure avance, donc n'hésite pas à avancer. Alors qu'on arrête un tout petit peu de dégraisser, parce que ça fait un petit truc. Donc, je voulais vous parler d'autres méthodes de mémorisation, mais c'est pas forcément très intéressant. Parce qu'il y a un peu d'autres méthodes... Mais c'est toujours le même principe, ça consiste toujours à associer des choses, en fait. Donc si, comme j'avais dit, Irène, sirène, par exemple, ça c'est une association. Et je ne suis pas obligé de placer une association dans un lieu mental, je peux juste faire l'association. Bon. Mais quand même, globalement, la méthode des lieux, c'est la méthode de mémorisation qui est utilisée par presque tous les mnémonistes. Et en tout cas, pour apprendre 70 000 décimales de pi, à mon avis, il n'y a absolument aucun autre moyen que de faire Alors bon, il doit avoir des milliers de lieux dans sa tête. Enfin bon, ça demande du boulot, hein. C'est clair et net. Mais a priori, c'est le seul moyen pour faire ça. Bon, alors je vais zapper un peu sur les autres méthodes. Oui, voilà. Donc, ma dernière partie, c'était pourquoi est-ce que les psychologues sont-ils méfiants vis-à-vis des méthodes mnémotechniques et pourquoi est-ce qu'on ne les enseigne pas à l'école? Et puis, à quoi ça sert dans la pratique? Donc, dans l'histoire et en psychologie, un petite digression historique, juste, la méthode des lieux, elle est connue, en fait, depuis l'Antiquité et est utilisée par les Grecs anciens pour mémoriser plein de choses. Alors, j'avais longtemps entendu que c'était utilisé pour mémoriser des discours, mais bon, apparemment, quelqu'un m'a dit que c'était pas tellement clair. Il donnait un exemple. Ouais, on pourrait mémoriser des discours comme ça, mais c'était pas très clair qu'il l'utilisait vraiment. Bref. Donc, en tout cas, c'était connu dans l'Antiquité, et elle a été utilisée tout au long du Moyen-Âge, avant l'écriture et avant Google, pour retenir plein de choses par cœur quand c'est cher d'écrire quelque chose. Et donc, la méthode des lieux, elle est surtout connue par la plupart des gens, par le travail d'une historienne qui s'appelle Frances Yates. Bon, je peux donner le nom, enfin, ça s'écrit Yates. Et le bouquin, c'est L'art de mémoire. Et donc, voilà, par exemple, l'article Wikipédia, méthode des lieux, ben, il va surtout être basé d'un point de vue historique. Parce que voilà, il y a pas mal d'historiens qui sont intéressés à la méthode des lieux, mais elle a été complètement abandonnée dans les dernières décennies, quoi, même les dernières centaines d'années, enfin la dernière centaine d'années en gros. Donc moi ça m'intéressait de savoir ce que les psychologues en disaient, parce qu'on a quand même une méthode de mémorisation qui permet de mémoriser des tonnes et des tonnes de choses, et qui, ça n'a pas l'air de coller vraiment avec ce que les psychologues en disent. Et en fait, ben, ce qu'ils en disent, c'est qu'ils n'en pensent pas du bien, que ben, ça ne sert à rien dans la vraie vie, et qu'en gros, bon, c'est un truc, effectivement, on peut développer une mémoire experte basée sur des, pour mémoriser des choses très précises, mais globalement, ils ont juste voulu la tester face à d'autres méthodes de mémorisation, et ils ont dit, ouais, bon, c'est pas tellement terrible quand c'est pas entraîné. Et ouais, j'étais vraiment très déçu en fait, parce que les psychologues, j'ai trouvé 7 ou 8 expériences qui utilisaient la méthode des lieux, et il n'y en a qu'une qui, d'après moi, vraiment correspondait à une bonne utilisation de la méthode des lieux, c'est-à-dire qu'il faut d'abord l'entraîner. Il y a plein d'études qui demandent juste à des gens de mémoriser des choses en les plaçant dans des lieux mentaux, mais sans entraîner la personne avant, donc forcément ça ne marche pas bien. Il y a des gens qui demandent de retenir des mots, mais il y a des mots abstraits. Donc forcément, un mot abstrait, quand on n'est pas entraîné, on n'arrive pas à trouver une image et on n'arrive pas à le mémoriser, etc. Et donc en fait, les psychologues, voilà, ils ne sont pas trop intéressés au sujet. Il y a Alain Liori, qui est aussi mort récemment, un psychologue français, expert de la mémoire, qui a écrit plein de bouquins, notamment sur la méthode des lieux, mais en disant... Enfin, pas que la méthode des lieux, mais en disant... Enfin, il a écrit un bouquin qui s'appelle... Ah zut, charlatan et... Ah, zut. C'est mignon de ne pas se souvenir d'un bouquin qui parle de mémoire. Non, je ne me souviens de rien. Je sais utiliser la méthode, mais c'est vrai que ma mémoire profonde et basique n'est pas très très bonne, mais bon. Ouais, vrai truc et faux astuce. Une mémoire d'éléphant, ça c'est un de ses bouquins. Et il y en a un autre, il n'y en a pas avec le mot charlatan. Non, il a écrit vrai truc et faux astuce. Une mémoire d'éléphant. Donc, où, en fait, moi, j'ai regardé ce qu'il a fait à Alain Liori. Il dit qu'il a testé la mémoire, mais la méthode des lieux, mais bon, il n'a pas vraiment testé, en fait. Et ça soit que lui-même ne l'utilise pas, et ça soit qu'il ne l'a pas vraiment comprise. Alors, bon, il y a quand même. Donc, j'étais très déçu de globalement comment les psychologues voyaient la méthode. Alors qu'il y a 100 ans, 120 ans, ouais, William James, donc c'est un psychologue qui a fondé. Il a dit énormément de choses intelligentes sur presque tous les sujets en psychologie cognitive dans les années 1890, je crois. Qui, lui, s'était intéressé un tout petit peu. Enfin, il trouvait ça intéressant. Mais après, dans la psychologie, il y a les behavioristes qui sont arrivés, enfin, les comportementalistes. Et alors, eux, ils ont rejeté tout ce qui était image mentale. Ils voulaient juste étudier le fameux stimulus et réponse. Et donc, ils ont dit, bon, c'est pas pour nous, c'est pas un objet d'étude pertinent. Et voilà, et finalement, on en est resté un peu là, même si dans les années récentes, il y a quand même deux psychologues qui ont sorti un livre en 2010 qui ont dit que peut-être ce serait intéressant de relier ce qu'on sait sur la mémoire d'un point de vue psycho pur avec, avec les performances réelles des mnémonistes, quoi. Donc voilà, c'est un bouquin qui s'appelle Mnémonologie. Bon, c'est un bouquin de recherche, c'est pas très passionnant pour les gens qui font pas de recherche. Mais voilà, il y a, une proposition de faire le pont. Mais bon, donc je me trouvais dans, voilà, dans ce milieu académique qui s'intéressait pas du tout à ça finalement. Alors que bah, moi, ça me passionne parce que j'ai envie de savoir concrètement comment moi améliorer ma mémoire, quoi. Et ça m'intéresserait bien que la psychologie soit un peu dévouée à ça aussi, surtout la psychologie de la mémoire. Oui. Pour l'instant, ouais. C'est vraiment pas le cas. Voilà. Bon, il y a quand même un peu d'espoir pour le futur. Et donc, dans l'éducation, donc là, on disait, alors, à quoi sert la méthode des lieux et est-ce que ça... Alors, pourquoi elle est plus utilisée à l'école? Alors, avant, on faisait des enseignements où il fallait tout apprendre par cœur. Quand je dis avant, c'était Moyen-Âge et il n'y a pas si longtemps même, le seul but c'était d'apprendre par cœur, et donc là ils utilisaient la méthode des lieux. Maintenant on nous dit il faut comprendre, et effectivement la méthode des lieux, en fait c'est vrai qu'elle sert à rien du tout pour comprendre. Elle permet d'apprendre par cœur une série d'informations, et je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent ben ouais mais ça sert à rien pour comprendre, et je suis aussi tout à fait d'accord avec ceux qui disent que la seule chose importante c'est de comprendre, c'est pas d'apprendre. C'est assez vrai que, par exemple, si on prend les mathématiques, c'est l'exemple le plus parlant, c'est clair qu'apprendre par cœur des définitions de concepts mathématiques, si on ne sait pas les utiliser, ben, ça ne sert à rien. Et même si on aura des bonnes notes pendant les années où le contrôle, c'est juste rappeler la définition de tel truc, l'année d'après, où il faut l'utiliser, et ben, ça ne marche plus du tout. Je pense que, excuse-moi de t'interrompre, mais pour moi, cette évolution... Désolé, c'est Johan, on ne s'est pas encore présenté, je viens d'arriver. Pour moi, c'est aussi cette évolution vers le par cœur à compréhension évolue aussi parce qu'on a des nouveaux outils qui nous permettent... typiquement, quand un log, il fallait 3 jours pour le calculer parce que tu demandais à des gens de le faire à la main, c'était quand même pratique de le savoir par cœur, en fait. Ou si tu as une formule que tu n'as pas besoin d'aller chercher dans toute ta bibliothèque pour la trouver, tu tapes dans Wikipédia et tu l'as, ça évite aussi de s'encombrer la mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on transite, je pense, vers des trucs qui utilisent moins la mémoire et plus la compréhension. Mais il se trouve qu'avant, t'avais quand même des... Enfin, l'information était plus difficile à accéder, je pense, et du coup, tu perdais beaucoup plus de temps à chercher une information que t'avais pas forcément. Donc, il fallait peut-être... Tu gagnais beaucoup de temps à apprendre par cœur des choses. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est clair qu'on a changé l'environnement d'apprentissage, ça, c'est clair. Mais ce qui est rigolo, c'est que les contrôles, c'est quand même presque toujours recracher des trucs par cœur. Et même dans l'apprentissage haut niveau, il y a plein d'apprentissages haut niveau qui consistent à apprendre par cœur une grande somme d'informations. Qui a dit médecine? Les médecins apprennent par cœur des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Et d'ailleurs, bon, ils aiment bien découvrir la méthode des lieux. Et c'est très... En général, ça leur plaît. Enfin, en tout cas, il y a des médecins qui ça plaît. Je ne sais pas si je peux parler de manière générale. Je pense que c'est une évolution lente et qui... Enfin, ouais, ce que je te dis, par exemple, sur cette histoire de calcul et logarithme, il y a encore 30 ans, tu avais une grosse partie des concours aux écoles d'ingénieurs qui étaient qu'on demandait de calculer des logarithmes et qui demandaient d'appliquer des formules pour... Et si tu connaissais beaucoup de résultats par cœur dans ta tête, tu gagnais beaucoup de temps à ça. Et maintenant, c'est un truc qui a complètement été supprimé depuis que la généralisation des calculettes, quoi. Mais c'est vrai qu'en médecine, il y a 20 ans, on demandait aux carabins d'aller apprendre par cœur les doses de médicaments aussi. Et c'était, je crois que c'est toujours un peu le cas, par contre. Enfin, ils doivent apprendre plein de trucs idiots par cœur. En tout cas, c'est... Enfin, des échos que j'en ai. Hein. J'ai que de maigres échos du monde de la médecine, mais... Mais d'un côté, je veux dire, cette histoire de la mémoire, on ne peut pas dire non plus maintenant, avec tous les moyens technologiques que l'on a, on n'a plus besoin de mémoire. Je veux dire, c'est vrai qu'une mémoire livresque, comme on demande en médecine, parfois ça peut paraître stupide, mais néanmoins, la mémoire en général, je veux dire, sans mémoire, on n'est personne. Donc, c'est quand même c'est le combat, le débat est plus complexe que ça. On ne peut pas se passer de mémoire, de toute façon. Je pense que personne ne dit le contraire. C'est juste... effectivement, sans mémoire, on n'est personne, mais ce n'est pas de cette mémoire-là qu'il s'agit quand on utilise la méthode des lieux. Mais néanmoins, par exemple, pour apprendre une langue, moi, je trouve que c'est l'exemple le plus parlant pour moi, en tout cas. pour apprendre une langue, on veut connaître le vocabulaire par cœur, même si, d'accord, la langue, ça se travaille par la pratique, en parlant effectivement à des gens, quand même, il faut connaître les mots à un moment. Et donc, la méthode des lieux permet d'apprendre du vocabulaire assez efficacement. Bon, alors, ça demande d'être un peu flexible, hein, c'est clair. Alors là, par contre, je ne comprends pas, parce que dans ta méthode des lieux, telle que tu nous l'as présentée, et telle que tu nous as présenté l'expérience, surtout, si tu apprends du vocabulaire comme ça, ça fait des conversations pas super fluides, quand même. Ça, c'est clair. Ça, c'est donc, clair. Ça me paraît pas si utile que ça pour apprendre une langue. C'est clair, et apparemment, enfin, hein, plein de gens qui disent que pour apprendre une langue, il faut juste parler et surtout pas faire autre chose. Et c'est vrai que bon, l'enseignement des langues étant ce qu'il est, en fait, on parle jamais. Néanmoins, si tu veux apprendre à lire, moi, ce que je fais, c'est j'apprends le japonais. Et là, franchement, pour le japonais, la méthode des lieux, c'était mon... Alors, on a des gens très intéressés par comment apprendre le japonais avec la méthode des lieux. Ouais, alors moi, j'ai appris... C'est vrai, ben, moi, je... Enfin, ils peuvent me contacter. Moi, en tout cas, j'ai appris les 2000 caractères japonais à connaître, enfin, que les Japonais eux-mêmes apprennent jusqu'à leurs 16 ans. Donc, j'ai réussi à les apprendre grâce à la méthode des lieux. Donc, et là, pour le coup, j'ai utilisé un code systématique, puisque les caractères japonais, donc, c'est les mêmes que les caractères chinois. Hein. Donc, il n'y a que 200 éléments environ qui se recombinent, en fait. Et donc, ça fait des milliers et des milliers de caractères. Les Japonais en utilisent 2000 couramment et 1000 autres un peu moins couramment, peut-être sûrement plein d'autres beaucoup moins couramment encore. Et donc, j'ai appris les 2000 caractères courants grâce à la méthode des lieux. Donc, j'ai placé les caractères à des endroits spécifiques dans ma mémoire, et je pense que j'aurais jamais pu faire ça autrement. Moi, j'ai quand même mis une heure par jour pendant un an, hein, ça prend du temps, et puis il faut les réviser après. Donc, c'est pas parce que j'ai la méthode des lieux que ça n'a pas demandé de boulot. Néanmoins, j'ai lu pas mal de témoignages comme quoi, même après 5 ans d'études du japonais, les Français qui étudient le japonais ou les Anglais qui étudient le japonais ne maîtrisent pas les caractères après 5 ans. Ou ils les maîtrisent moins que moi. Ils peuvent vaguement lire, mais ils ne peuvent pas écrire. Moi, je peux les écrire et je peux les retrouver. Donc, par exemple, là, ça, c'est un cas d'utilisation. Et t'as deux mots pratique. Sur comment tu t'y es pris, parce que je crois que ça intéresse au moins une personne dans la chatroom. Alors, ouais, il y a Wan Lee qui demande mais comment t'as fait, en fait, vraiment. Ouais. Alors, je veux bien qu'il me contacte, d'ailleurs, mais mettre mon mail dans le chatroom, quelque chose. Ok, ouais. C'est trop compliqué à expliquer, parce que, en c'est, plus, c'est un peu sophistiqué. Quand tu dis j'arrive à les écrire, dans le japonais, en plus, t'as l'ordre d'écriture qui est important, normalement. Alors, peut-être que tu t'es pas fait chier jusque-là. Alors, chaque sous-élément, je savais les écrire dans l'ordre, mais j'avoue que là, je pense pas, parce que ça fait des années que j'ai... en cours d'apprentissage du japonais, et vu que dans les faits on les écrit jamais vraiment, je fais que les reconnaître. D'accord. C'est vrai, j'ai dû oublier l'ordre, mais normalement les méthodes permettent d'apprendre l'ordre des traits. Ok. Bon, bah, il faut te contacter pour avoir plus de détails. Ouais, bah, c'est plus simple parce que c'est quand même assez long et c'est pas forcément. Et le problème, c'est que c'est pas forcément facile à appliquer sans se plonger dans la méthode en général, parce que j'ai vraiment utilisé. Moi, j'ai utilisé les nombres aussi. Non, les nombres ne sont pas forcément utiles. Ce n'est pas forcément utile d'avoir un code pour les nombres, mais moi, je l'ai utilisé, ça m'a quand même servi. Mais en gros, il n'y a que 200 sous-éléments qui se recombinent, et j'ai associé un lieu à chacun de ces sous-éléments, et ensuite, j'ai mis un lieu et une image à chacun de ces sous-éléments. Donc, il y a le sous-élément la hache, par exemple. Et la hache, ben, ça va aussi être un morceau de forêt de mon village auquel je peux repenser. Enfin, c'est précis dans ma tête, mais ça ne sert à rien de vous dire tel morceau de forêt. Et j'ai placé des images mentales à cet endroit de la forêt. Et donc, je sais que dans ces images mentales, comme elles sont dans le lieu où, qui est associé à l'élément la hache, bah, je sais qu'il y aura une hache déjà. Voilà, par exemple. Et puis, bon, s'il y a la hache et puis, par exemple, une voiture, celui-là, c'était chop off, donc couper l'arbre. Et il y a H et puis alors celui-là substance, enfin bon, bref, il y a un certain nombre de caractères japonais que j'ai placés à cet endroit et que je peux retrouver. Et ouais, donc c'est un peu c'est un peu élaboré, c'est vraiment un truc de geek. J'ai passé des heures et des heures à faire des images mentales plutôt qu'à regarder mes caractères japonais, mais c'est au final c'est beaucoup plus efficace que ceux qui les apprennent en les écrivant par ordre de fréquence. Et où il y a des tonnes de témoignages qui disent que bah, ça ne marche pas du tout, en fait. Ils passent des heures et c'est très frustrant. Alors que moi, bah, je m'amuse bien, je fais mes images. Donc ça, c'est un exemple concret qui est super utile. Après, ça demande de la créativité et c'est clair qu'il n'y a pas énormément d'applications pratiques là, maintenant, tout de suite. Mais bon, je suis sûr que les gens qui sont en histoire et qui veulent retenir un certain nombre de faits bien précis peuvent en bénéficier. Je suis sûr que tous les scientifiques qui ont des classifications et qui veulent les connaître par cœur pour quelque raison que ce soit, ou des caractéristiques spécifiques de tel animal, ou je sais pas, c'est possible de mémoriser énormément d'informations comme ça. Donc moi, ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai plongé dedans. Après là, dans ma vie de tous les jours, je l'utilise que pour le japonais en fait, pour les nombres, pas tant que ça. Mais je vais quand même essayer de participer un peu aux compétitions de mémoire parce que c'est bien rigolo et parce que les gens sont très sympas et parce que voilà, ça permet de... je sais pas exactement. Mais du coup, parce que là, tu nous as donné une méthode pour être plus efficace finalement. Et est-ce que tu ressens malgré tout des limites? Est-ce que parmi les gens qui ont l'habitude d'utiliser ces méthodes, tu vois des aptitudes quand même différentes qui restent, ou finalement vous êtes tous à peu près au même niveau? Alors oui, il y a des aptitudes différentes qui restent, je pense. Après, avec l'entraînement, enfin. Est-ce que tu ressens est-ce que tu as déjà vu à un moment où tu t'es dit là je suis à la limite, j'arrive pas à en apprendre plus en ce moment ou... Déjà rien que quand on est fatigué, si on n'a pas bien dormi, c'est super dur de se concentrer, de retrouver les images par exemple. Donc il y a des limites, et même en faisant ça plusieurs heures par jour, ça vide le cerveau d'une certaine manière. Enfin, c'est un travail mental de concentration assez intense quand même. Et après, bon, il y a des gens qui ont l'air d'être plus balèzes naturellement. Enfin, les champions du monde, là, c'est juste n'importe quoi. Je ne sais pas comment. Moi, je n'ai pas l'impression qu'en m'entraînant, même des heures et des heures par jour, j'arriverai à ça. Mais c'est possible. Hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont très forts naturellement. Et moi, je n'ai pas une bonne mémoire naturelle. C'est-à-dire, effectivement, je vois un film, 3 mois après, je ne me rappelle plus du tout des détails ou des noms des personnages, etc. Donc, c'est tout le temps frustrant. Et ça n'a pas changé, évidemment. La méthode d'Elio, ça ne me permet pas... Si je ne fais pas consciemment l'effort de mémoriser quelque chose, je ne vais pas le mémoriser mieux spontanément, ça c'est clair. Et du coup, la méthode d'Elio, ça n'améliore pas la mémoire en général, mais ça permet d'apprendre un certain nombre de trucs spécifiques. Mais c'est marrant. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre encore. Ce que je trouve rigolo, c'est que tu dis que tu n'arrives pas, par exemple, à retenir un film, alors que pour moi, un film, c'est ce qui ressemblerait peut-être plus à la méthode d'Elio, au sens où tu construis une histoire... Pour la méthode des lieux, tu construis une histoire autour d'un truc qui n'a pas forcément de sens, un chiffre, des dates, ce genre de choses. Et pour moi, un film, c'est déjà une histoire. Donc, enfin, moi, je sais que je retiens, typiquement, j'ai pas une très bonne mémoire, mais je sais que je retiens bien les films ou les livres parce que justement, il y a l'histoire qui m'aide et que l'histoire a plus de résonance chez moi. Mais je sais pas, est-ce que moi, pas du tout, par exemple. C'est marrant parce D'accord. que je pense qu'on a chacun nos méthodes de mémoire. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de la compréhension, moi, dès que j'ai compris un truc, je le mémorise hyper bien. Par contre, si je ne le comprends pas, j'arrive pas à le mémoriser, quoi. Et c'est plus par ce biais-là. C'est pour ça qu'il y a plein de matières à l'école où ça ne marchait pas du tout. Et là, la méthode des lieux, je vois bien que les lieux, parce que tu visualises un peu, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément moi... pareil, il y a des... Enfin, je comprends le côté mémoire visuelle, mais je pense qu'on a quand même tous une façon d'apprendre ou de mémoriser qui est différente, quoi. Alors, il faut faire attention avec ça. Ouais. Je me demande si l'élément clé, c'est pas ce que tu as dit, le mot concentration. Hein, je pense qu'à partir du moment où on arrive à se concentrer sur quelque chose, on le mémorise mieux. Et je me demande si c'est pas la clé du mécanisme. Ouais, je t'encourage à essayer d'apprendre Pi sans autre méthode que juste te concentrer profondément sur les chiffres, mais sans visualiser rien. Je pense que tu n'y arriveras pas bien. Non, je pense pas non. Et donc, ouais, sur la compréhension. Alors, sur les films, je suis tout à fait d'accord. Un film, c'est mieux, mais c'est bien plus mémorable naturellement, parce qu'il y a une histoire. Si l'histoire a une logique, eh ben, on peut retrouver le découlement logique. Mais ça, on le fait spontanément. On n'essaye pas d'apprendre un film en général. Et bon, moi, je retiens à peu près les films, mais c'est juste globalement par rapport aux autres gens, j'ai l'impression que je les retiens moins bien que beaucoup de gens autour de moi, quoi. Enfin, des détails, en tout cas. Après, les films qui me plaisent vraiment, je vais bien les retenir. Et je suis aussi d'accord avec Nico. C'est ça, hein, c'est Nico qui a parlé avant sur les maths. La compréhension, ouais. Donc, sur la compréhension, c'est clair. Quand tu comprends, tu mémorises mieux. Et en fait, moi-même, je pensais... Enfin, ma thèse, c'était sur l'idée que pour comprendre, il fallait oublier des détails. Et parce que le mec dont je parlais avant, Solomon Chereshevsky, qui se rappelait toute sa vie, et vraiment, il s'en rappelait de manière incroyable. En fait, il comprenait aucun concept abstrait. Il le disait lui-même, hein, que les concepts abstraits, ça le dépassait complètement. Et quand il lisait de la poésie, il comprenait rien, par exemple. Parce que dans sa tête, en fait, il faisait plein d'images mentales spontanément. Il faisait plein d'associations. Et en fait, il n'arrive pas à voir du tout la couche abstraite. Par contre, il retient le texte verbatim. Et enfin, je ne crois pas qu'il retenait les textes vraiment verbatim, mais il retenait toutes les conversations, par exemple. Et pareil, il dit que quand il lit un livre de fiction, ben, dès que ça parle d'un personnage, il va immédiatement le visualiser. Et puis après, le livre décrit comment le personnage est, ça ne colle pas avec sa visualisation, ça le trouble, et il s'en sort pas. Et il ne comprend pas du tout les concepts abstraits. C'est vraiment assez impressionnant à quel point, en fait, ça l'a... Il n'avait pas une vie vraiment bien développée, enfin bien développée, comment dire. Un exemple très rigolo, c'est donc il faisait des spectacles de mémoire, parce qu'il a une mémoire tellement incroyable. Et il y a quelqu'un qui lui a fait mémoriser une matrice, en gros, où bon, le premier chiffre en haut à gauche, c'est 1, ensuite il fait 1, 2, 3, 4, 5, ensuite la ligne suivante, c'est 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc il y a un pattern évident de juste plus 1 à chaque fois. Et lui, il ne l'a même pas vu, il l'a mémorisé exactement comme si c'était des chiffres aléatoires. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un pattern. Donc ça, je trouve ça assez incroyable que le mec, il n'arrive même pas à se rendre compte de ça, donc il n'a pas abstrait le pattern. Et il y a un autre cas de mémoire incroyable, il s'appelait Kim Peek, et il a inspiré le film Rain Man. Et lui, on disait de lui qu'il avait appris 6000 livres par cœur. Il pouvait apprendre, en plus, il pouvait lire un œil, pouvait lire une page, et l'autre œil, l'autre page. Et il non, c'est vrai. Une fois, et il retenait l'intégralité de l'information. Et on pouvait lui demander qu'est-ce qu'il y a écrit à la page 172. Bam, il peut le ressortir. Sauf que ce mec-là, pareil, monsieur Kim Peek, il comprenait rien, en fait. Et donc, si on lui demandait dans tel livre, est-ce que telle personne est méchante, s'il n'y a pas écrit la phrase telle personne est méchante dans le bouquin, il peut pas répondre. Alors qu'il connaît le livre par cœur. Mais c'est comme un ordinateur, en fait. Il peut faire un CTRL-F dans son fichier mental, mais il n'a pas de compréhension de ce qui se passe. Donc, il avait un assez petit QI, et puis dès que ça dépassait, dès que c'était un peu abstrait, il n'arrivait pas. Donc voilà, ça m'avait passionné, ces deux cas de mémoire littérale quasi parfaite, associée à une grosse difficulté à comprendre. Donc peut-être que oublier, ça permet de comprendre, oublier les détails. Je ne sais pas, c'est pas du tout... C'est pas du tout clair, mais en tout cas, moi, ça m'intéressait d'imaginer ça. Ok. Et c'est une possibilité. Tu en es où, ce que tu voulais nous raconter, parce que l'heure avance. Ouais, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. J'espère que... D'accord. C'était pas mieux. On avait quelques toutes petites questions, si tu veux, pour finir de digresser. Une question un peu générale, je ne sais pas si tu auras une réponse, si tu as lu des trucs dessus, c'est des choses qu'on entend beaucoup. C'est une question d'Ewi. Est-ce que ce qui nous facilite la vie, agenda, smartphone, Google, qui retient tout à notre place, ça diminue notre capacité à mémoriser ou pas? Alors, il y a plein de psychologues qui pensent que oui, je crois. Je n'ai pas tellement lu ces histoires. Moi, personnellement... Ça me paraît clair que les choses qu'on n'a plus besoin de mémoriser, on ne les mémorise plus. Ça, c'est clair et net. Et c'est vrai que je crois que tout le monde a eu... Alors, ce qu'on appelle le fameux Google Effect, c'est quand on sait qu'on peut retrouver l'information sur Google, on va être moins motivé à la mémoriser, parce que de toute façon, on sait qu'on peut la retrouver. Mais au final, ce n'est pas grave du tout, parce que dans les faits, on mémorise ce qui va nous permettre de retrouver l'info. Et ça, on y arrive bien. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce qu'il faut taper sur Google pour retrouver le truc. Et donc, notre cerveau, en gros, il est un peu feignant, il n'a pas envie d'apprendre un truc s'il sait qu'il peut le retrouver facilement. Voilà. Donc, moi, je ne ferai pas de catastrophisme sur. C'est plus un shift sur ce qu'on mémorise et comment on le mémorise que vraiment une perte de mémoire, quoi. Ouais, tout à fait. En sachant qu'il faudrait le fouiller un peu plus, si j'ai bien compris. Que t'as lu quelques trucs, mais pas plus que ça sur le sujet. Ouais, je ne suis pas expert, mais c'est avéré, je crois, qu'effectivement, on mémorise moins bien les trucs qu'on sait qu'on peut retrouver. Et c'est le cas avec Google en général. Mais après, c'est parce qu'on est moins motivé à l'apprendre, et c'est logique. Et au final, c'est tout à fait fonctionnel comme système. Donc, les gens qui sont catastrophistes, en fait, ils disaient déjà ça, de l'avènement du journal, etc. Enfin, moi, je pense que la technologie progresse et que c'est une bonne chose, et, y compris pour notre mémoire, même si on entraîne moins la mémoire à retenir des faits spécifiques, mais c'est pas important, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être fonctionnel. Et, ouais. Il y avait sans doute des Sumériens qui disaient la même chose de l'invention de l'écriture. Hein. Exactement. C'est exactement. Vrai. Ah ouais. Maintenant, tu peux écrire ton logarithme de 3 sur ton papier, tu n'as même plus besoin de le connaître par cœur. Oh là là, je vous laisse. Sinon, on a une question de Kiyoku57 qui, au passage, nous a fait plein de dessins ce soir. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, les autres. Moi, je ne l'avais jamais aperçu. Donc, bienvenue à un nouveau dessinateur qui profite de l'absence de Pouillot pour venir squatter. Donc, ça fait plaisir. J'espère qu'il reviendra souvent et qu'il nous pose une question. Est-ce que, alors, je ne sais pas pourquoi il a pensé à ça, mais c'est marrant. Est-ce que ces méthodes de mémoire sont utilisées pour résoudre des désordres mentaux? Si tu n'en as aucune idée, n'hésite pas. Ah, j'ai aucune idée. je trouvais ça intéressant parce qu'il y a plusieurs moments où tu as parlé de personnes qui avaient, par exemple, qui disaient un visage, tout le monde arrive à le reconnaître. Mais oui, typiquement, il y a des gens qui n'arrivent pas à reconnaître des visages. Ouais, c'est même fréquent en fait, les visages, c'est assez fréquent. La fantaisie, là, le truc, pas être capable de faire d'image mentale, je crois que c'est rare. Enfin, ça vient d'être découvert, entre guillemets, donc parce que les gens se disent pas fantasiques, enfin se plaignent pas de ça, mais les visages, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui arrivent pas, je crois que c'est 1 ou 2%, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Et ben, la méthode des lieux va pas aider du tout pour ça, malheureusement. Et en fait, même en général, la méthode des lieux, il y a des gens qui ont essayé de l'utiliser pour aider les personnes âgées à mémoriser, et malheureusement, ben, ça marche pas très bien, quoi. Les gens qui ont déjà des problèmes de mémoire basique, enfin de mémoire fondamentale, on va dire, on va avoir beaucoup de mal en général à se mettre à la méthode, donc ça aide pas tant que ça. Et même chez les enfants, ça aide plus les enfants plus intelligents que les enfants en difficulté, quoi. Donc bon, si on amène ça à l'école, ça va pas gommer les inégalités, a priori plutôt au contraire, quoi. Brusicor revenait sur ta démo sur Pi. Il demandait comment tu retrouvais directement la bonne décimale. Donc tu disais que c'était juste un peu plus compliqué, tu n'avais pas voulu l'étaler maintenant. Peut-être que soit tu pourras nous mettre un commentaire sur la démission ou l'écrire, juste nous raconter un peu. Juste donner un exemple, donnez-moi un nombre entre 0 et 300. Bah, je sais pas, 287. 187, donc là je vais penser à mon lieu 18. Donc d'abord, je pense à mon personnage 18. En l'occurrence, 18, c'est C18, le cyborg de Dragon Ball Z. Voilà, et son lieu, c'est le centre Pompidou. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc, je vais chercher. Donc, je me rappelle de l'exposition. Il y avait une exposition avec plein d'objets qui étaient des balles de forme croissante, en gros. Et donc là, j'ai placé des images mentales, en l'occurrence. C'est 64, 46. Donc là, c'est les nombres de 181. Parce que 181, c'est... Bon. De 181 à 190, je vois que les images, c'est 64, 46, 22. D'accord. Donc en fait, tu les as un peu... grosso modo, tu les as un peu mémorisés 10 par 10, pour le dire grossièrement. Ça. Et après, dans les 10, tu te les récites les 10 et juste tu comptes le bon, quoi. Exactement. Les deux premiers chiffres, ça me donne un lieu, le numéro d'un lieu dans lequel regarder... D'accord. Et dans le lieu, j'ai stocké 10 chiffres. Ok. Dans un ordre... Deux par deux, souvent, en général, c'est ça? Ouais, exactement. Enfin, en l'occurrence, j'ai un personnage qui fait une action à gauche, entre guillemets, ça fait 4 chiffres. Ensuite, j'ai un objet qui représente aussi un des personnages au milieu. Et à droite de la scène, j'ai un autre personnage qui fait une autre action. C'est marrant parce que c'est une sacrée complexité de nombre de choses à mémoriser, mais on a plus de facilité parce que là, tu es en train de parler d'un personnage, d'un lieu, d'une direction. Ouais. ça paraît hyper compliqué. Tout ça, d'ailleurs, pourquoi c'est... Pour mémoriser 10 chiffres, quoi. C'est ça, c'est ça. Et l'exemple le plus frappant là-dessus, c'est quand on apprend une liste de mots, il y a une autre technique qui consiste juste à raconter des histoires, des petites situations. Donc, si on veut lier singe à saucisse, par exemple, je dis ça, c'est un exemple débile, mais j'avais ça comme liste de mots, je crois que c'est dans Derren Brown qu'elle utilise ces images-là. Et ben, je ferais l'association mentale, vous verriez un petit singe qui grillerait une saucisse sur un barbecue, imaginez son petit chapeau de cuisinier, et puis il retourne les saucisses. Et en fait, on crée une image mentale vachement riche tout de suite, le petit singe cuisinier, alors qu'on veut juste retenir singe-saucisse. Et on retient tout. Pourtant, on retient tout. On retient pas juste singe saucisse. On retient singe saucisse et son petit chapeau et on retient toute la scène. Donc, c'est vrai qu'on rajoute de l'information et c'est totalement contre-intuitif qu'en rajoutant, on va mieux mémoriser. Et pourtant, bah, c'est le cas. En élaborant, c'est ça que les psychologues de la mémoire disent, l'élaboration, c'est un des trucs qui permet de mieux mémoriser. Et donc, c'est vrai que c'est très surprenant, mais c'est le cas. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir le cerveau trop plein, parce qu'a priori, il a une capacité potentiellement, pas infinie, mais à l'échelle d'une vie humaine, suffisante pour tout stocker. Quoi. Fais attention quand tu dis infini ici, il y en a qui rôdent. Ouais, c'est ça. Quel infini. Ok, je vais avancer un peu vite là. On a Edrocan qui fait une remarque, tu réagis si tu veux, mais c'est pas obligatoire, qui rappelait qu'il y avait un gars qui avait gagné le championnat du monde de Scrabble francophone sans connaître la langue. Ouais. Et qui fait partie un peu, je pense, de ces exercices de mémoire où il n'y a même pas besoin de comprendre, quoi. J'avais vu l'info passer. Bruno me l'avait envoyé. Enfin, Bruno, c'est mon ami qui fait le live mapping. Et à titre de comparaison, même si ça n'a un peu rien à voir, mais ça va faire un lien avec une question qui vient plus tard sur les machines. Les premiers algorithmes de translation de Google Translate, enfin de traduction de Google Translate, c'était des outils statistiques qui n'utilisaient pas du tout de linguiste pour traduire le chinois, qui faisaient uniquement des stats. Oui, ça se voit d'ailleurs. C'est un peu aussi pareil. Alors, c'est les premiers maintenant, je crois qu'ils ont un peu rajouté de l'humain dans la boucle pour ouais, corriger les erreurs grossières. C'est pour le chinois, je crois. Alors, à l'époque, c'était un des meilleurs en fait. C'est-à-dire que globalement, les trucs de traduction chinois sont assez mauvais, mais ils s'en sortaient pas trop mal. Quoi. Ouais, mais il y a une limite clairement fondamentale à ce qu'on peut faire avec juste la retranscription terme par terme. Quoi. Alors, dans les trucs où tu vas sans doute pas savoir nous répondre, c'est est-ce qu'il y a une raison au fait qu'on oublie presque tout avant l'âge de 6 ans ? C'est pas... Alors, il y a une raison assez claire, c'est qu'on n'a pas le langage, en fait, et qu'on n'a pas créé les concepts qu'on a après, enfin, parce qu'on est en train de les créer. Et du coup, quand on n'a pas les concepts, on ne peut pas vraiment faire des associations entre les concepts, vu qu'on les a pas encore. Donc ouais. Je sais pas quel concept crée un enfant de... Et pourtant, on sait que les enfants, même jeunes, ils apprennent très bien. Ah oui, ils apprennent, on voit leur transformation. C'est juste qu'ils ont pas encore atteint le stade où ils ont des... Le langage aide beaucoup à mémoriser, je pense, parce qu'on peut mettre une étiquette sur les termes et on va associer les étiquettes entre elles et on va retenir ces associations. Et donc... Sans avoir toutes ces associations et tous ces concepts, le bébé est déjà occupé juste à comprendre comment le monde visuel marche pendant un certain temps. Ensuite, juste comprendre comment bouger, c'est déjà super compliqué de comprendre comment ouvrir la main pour choper un truc sans le laisser tomber, etc. Donc, il a plein de choses à apprendre avant de vraiment faire les traces mnésiques de la même manière que plus tard, quoi. Après, peut-être il y a des expériences de la tendre enfance qui sont enfouies au fin fond du cerveau et qu'on pourra retrouver, mais ce sera des expériences sans mots. Et ouais, même un nourrisson ne voit pas les couleurs, par exemple. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit en cours de psycho. Donc, il ne va forcément pas retenir, même s'il a l'impression plus tard d'avoir un souvenir de sa toute tendre enfance avec plein de couleurs. Je sais pas si c'est... Là-dessus, c'est marrant. Enfin, moi, je connais des gens qui mémorisent qu'en noir et blanc. Ah bon ? Bah, genre, tu leur demandes la couleur du collier de telle personne était de quelle couleur, il va te dire gris foncé, quoi. Donc ça doit être... comme il a l'habitude, à un moment, c'est genre, ça doit être du rouge ou quelque chose comme ça. Waouh ! C'est surprenant. Ça, j'ai jamais entendu. Je connais une personne comme ça, je trouve ça très drôle. C'est intéressant. Tout est possible avec ouais, le cerveau. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Bon, je vais finir sur une question, on avait deux, trois autres, mais qui étaient plus des choses que tu as déjà abordées, qui étaient sur les méthodes sur comment on choisit les lieux, tout ça. Et une question un peu d'ouverture de, alors j'espère que je vais bien le prononcer, de Le Nguyen Hoang, qui nous dit « Je sais que la mémoire est un gros problème dans la recherche en réseau de neurones artificiels. Est-ce qu'ils essaient de s'inspirer de la neuroscience pour comprendre la mémoire ou vice-versa ?» Alors, ils disent qu'ils essayent de s'en inspirer. Après, j'ai pas vraiment creusé la question, mais globalement, là, ce que font les algorithmes d'apprentissage, s'ils font toujours la même chose, mais à des stades de plus en plus complexes, enfin, juste, ils rajoutent des couches dans des réseaux de neurones. Enfin, sais pas si vous avez entendu parler des réseaux de neurones. On en a fait un épisode en tout début de saison. Ouais. Ah, c'est vraiment pas le moment de... Deux épisodes. Et c'est moi qui les ai faits. Tous experts. Oh. Non, bon, on a parlé un peu des réseaux de neurones. Et puis, tant que j'ai la parole sur la mémoire, quand on l'avait abordé justement à cette époque-là, c'est peut-être pour ça qu'ils nous en parlent. La mémoire dans les réseaux de neurones artificiels, peut-être qu'ils en parlent, c'est surtout qu'en général, c'est des réseaux qui sont linéaires, où on passe d'une couche à l'autre, comme tu le disais. Et il y a très peu de réseaux. Enfin, ça commence à se faire, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées, qui reviennent en arrière. Et enfin, en gros, les réseaux de neurones ne sont pas trop capables de se souvenir à plus d'une étape, quoi. Ouais, ce qui fait qu'ils sont assez cons au niveau... Enfin, en gros, si l'exemple un peu caricatural, c'est que tu vas mettre ton réseau de neurones dans un cinéma où il faut aller au fond de la salle, mais au milieu, il y a des chaises. Il va pas savoir que... Enfin, il va voir qu'il bloque en face, mais il va pas se rendre compte qu'en allant à gauche, certes, je m'éloigne, mais au bout d'un moment, je trouve ma sortie. Enfin, j'ai pas la mémoire du chemin. Alors, en prenant cet exemple-là, c'est un peu le problème, ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle, c'est que t'as des algorithmes qui sont capables de le faire, mais qui, du coup, perdent les autres avantages. Donc, c'était un peu ça la notion de les algorithmes artificiels n'ont pas de mémoire. Moi, je pense que la mémoire qu'on est en train d'essayer de recréer dans les réseaux de neurones, au final, c'est pas la mémoire humaine. C'est presque plus une mémoire d'ordinateur, au final, parce que les ingénieurs, ce qu'ils appellent mémoire, c'est plus ça. Et la mémoire humaine, elle est vraiment... Enfin, non, c'est peut-être pas vrai ce que je dis là, mais globalement, on n'a pas... J'essaie de lire des trucs sur la mémoire des bons modèles mathématiques de comment la mémoire fonctionne, et ils sont pas du tout mainstream dans le champ de l'intelligence artificielle, en gros. Et ouais, c'est vraiment surprenant, cette mémoire humaine qui, justement, a énormément de mal à retenir 8 chiffres, mais va être capable d'instantanément retenir un visage. Ouais. Et pour reconnaître, en fait, c'est vraiment cette différence entre reconnaître et rappeler, qui est pas vraiment clair quels mécanismes sont derrière. Et quand on entend mémoire, on entend être capable de rappeler, alors que ouais, la reconnaissance, que... l'humain est très très très très fort, quoi. C'est vrai que ce qu'il faudrait rappeler là sur cette question, c'est que les ordinateurs ont pas de problème de mémoire. Ils ont des problèmes de reconnaissance, mais ils mémorisent très bien, quoi. Ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit. Ils voient un fichier comme un truc séquentiels qui doivent lire petit à petit. Ils sont quasiment à l'extrême de ce que tu présentais, c'est-à-dire c'est tes êtres qui ne comprennent rien, mais qui ont une mémoire incroyable, quoi. Tout à fait, ouais. Mais du coup, la mémoire humaine qui est importante pour nous, en plus, c'est pas vraiment cette mémoire-là, quoi. Nous, ce qu'on aime dans notre mémoire, c'est que quand on est dans une conversation, quelqu'un nous raconte quelque chose, bam, on va avoir quelque chose à lui raconter, à lui dire « Ah oui, j'ai vécu la même chose », et on va raconter quelque chose qui va ressembler, mais qui va être quand même très différent et qu'un ordinateur aurait énormément de mal à considérer comme similaire. Et ben, très bien, merci beaucoup. On passe à la suite, à moins qu'il y ait d'autres choses à rajouter, les autres. Non, c'était super intéressant, et c'est vrai que il y aurait beaucoup de choses, parce que c'est vrai, du coup, je trouve que ça vraiment ouvre beaucoup de questions sur la question de la mémoire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps maintenant. Mais non, il faudra en faire un dossier à plein tube. Ouais. Ouais, on va rappeler Clara, peut-être qu'elle aura des choses à nous dire. Même toi, Remarque. Hein. Ah, je peux revenir aussi. Que... Hein. Ouais, ça serait un bon sujet. Je connais mieux la mémoire que Clara, a priori, mais après, vous pouvez rappeler Clara, s'il vous plaît. C'est parce que c'est notre spécialiste neurosciences qui vient régulièrement, c'est pour ça que je la connais bien. C'est pour ça que je disais ça en rigolant, mais après, non, ouais, carrément, sur les morts. C'est les mêmes pour qu'elle, là. Je connais. Là. Ok. Ouais. On passe au pitch, les amis. Allons-y. Ouais. Du coup, la semaine prochaine, c'est une émission de type roue libre. Et en fait, on va recevoir une invitée donc un peu particulière, comme d'habitude dans les roues libres, qui est donc Caroline Corbasson, qui n'est pas scientifique, mais artiste plasticienne. Et en fait, qui s'est intéressée dans la plupart de ses œuvres à l'immensité, en particulier à travers l'astronomie et l'astrophysique. Donc, elle a fait beaucoup de travaux en rapport avec ces deux domaines-là. Et moi, j'ai été très impressionné par ses œuvres. Il y a des trucs qui évoquent les surfaces planétaires, le fond diffus cosmologique, les galaxies du Ultra Deep Field de Google, de Hubble. Et moi, j'ai trouvé que, bon, c'est personnel, hein, j'ai rarement des trucs personnels comme ça dans les teasers, mais je trouve que elle tente bien de faire sentir un peu ce vertige qui peut parfois un peu nous saisir quand on essaie d'appréhender un truc vraiment immense, en fait. Et des fois, on a un petit un petit recul, et je trouve que sur certains trucs, on arrive bien à l'approcher, ce truc-là. Voilà, donc retrouvez-nous la semaine prochaine. Voilà. Et je me demandais juste, je devrais savoir, mais je ne sais pas, qui est-ce qu'il a contacté, quel est le lien avec Podcast, hein? C'est moi, en fait, elle a rencontré des gens de l'Observatoire, des collègues à moi de l'Observatoire de Marseille qui savent que je fais Podcast Science et qui, du coup, m'ont dit que ce serait peut-être intéressant de l'avoir. Mm-hmm. Et je me suis dit que ça rentrait effectivement très bien dans notre cadre de l'émission Roue Libre. Irène qui préfère utiliser le podcast que les mails pour se renseigner. Non, mais c'est bien. Je peux faire quoi? Utiliser le podcast que les mails pour te renseigner. Ouais, bon. Ok, on passe à la quote. Est-ce que notre fantastique invité a fait son job? Eh oui, j'ai une quote, mais elle est en anglais par contre. Alors, bah, tu vas nous honorer de ton accent anglais. Nous, on adore l'anglais. Alors, donc c'est une quote de Carl Sagan dans la série Cosmos. Donc il nous disait. Alors ça n'a rien à voir avec la mémoire. Hein. Je suis désolé pour le hors sujet, mais bon, on m'a dit que c'était ok. Ah là, c'est un mauvais point là. Alors là, c'est vrai. Alan m'a dit qu'il fallait pas que je change de quote, donc j'ai pas changé de quote. Ouais, mais c'est un blab quand même. Hein. C'est un blab. C'est quoi le blab? J'ai pas compris. Avec la quote n'a rien à voir avec le dossier. Oh, ça va. C'est un invité. Bon, d'accord. Je vais lancer dans ma quote en anglais. Attention. The cosmos is also within us. We are made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. Donc en français, ça donne « Le cosmos est aussi en nous, nous sommes faits de stuff, donc de poussière choses, d'étoiles. Poussière d'étoiles, pour reprendre Hubert Reeves. Nous sommes un moyen pour le cosmos de se connaître lui-même. » Moi, je trouve ça profond. Je ne sais pas si éloigné de la mémoire non plus. Hein. Ouais. Bah, à ce compte-là, tout est pas éloigné de la mémoire. Non, enfin, on est au sens où, oui, voilà, on est une réminiscence d'un état passé de la matière. Je suis tiré par les cheveux, désolé. Bah, tout le monde me dit que c'est une quote pour la semaine prochaine, c'est pas faux. Non, mais c'est vrai. Oui. Je vois ce que tu veux dire. On va faire un petit rappel pour le quiz du mois. Le quiz du mois, cette semaine, enfin ce mois, j'en sais rien, c'est le quiz du mois, enfin ce moment, quoi. La question, c'est la bière après le sport, ça aide à récupérer info ou intox. Donc, comme d'habitude, on attend vos réponses un peu partout sur le mail, sur Twitter, sur Facebook, en vidéo, enfin de tous les moyens possibles et imaginables. Sachant que ça y est, on n'a plus de messages à déchiffrer. On a déchiffré avec un peu d'aide le message de notre cher. De notre cher belge qui nous envoyait un message à base de tapotage sur table. Enfin, je crois qu'on l'a pas déchiffré complètement, mais en partie en tout cas. En tout cas, on a trouvé la clé grâce à lui. Et voilà. Est-ce que notre invité a un avis sur ça? La bière après le sport, ça aide à récupérer un faux ou un tox? Oh là, bah, y a plein de nutriments. C'est bon la bière. Voilà. C'est bon. Ça dépend ce qu'on appelle récupérer. Non, je n'ai pas d'avis nutritionnel. En tout cas, on aura une réponse sérieuse à priori la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera Alan qui va nous honorer de sa réponse. Et donc, si vous avez des idées pour la semaine prochaine de quiz du mois encore plus dur à répondre pour Alan, n'hésitez pas. Hein. Il se fera un plaisir. Alan qui se colle de trouver la solution. C'est ça. Vous aviez une réaction, Irène ou Johan? J'ai cru vous entendre. Non, j'ai dit DAC, mais c'est vrai que c'est. Je pense. Enfin bref, c'était un commentaire absolument inutile, hein, sauf que je pense qu'il a la réponse parce que c'est lui qui avait posé la question, non? De toute façon. Non, c'est pas lui en fait. Non, c'est moi. Ah d'accord. Je trouvais ça intéressant et il a dit qu'il allait le faire, qu'il allait répondre. Donc bon, très bien. D'accord. Ok. Ok. Alors est-ce que je peux faire un tout petit peu d'autres promos là maintenant tout de suite? Donc il y a Bruno qui a fait une live map de l'émission. Donc, il y a eu quelques live mappings ces derniers temps de Podcast Science. Enfin non, juste 4 en fait. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est, en gros, on fait une map. Oui, bien sûr. Alors oui, ça oui, vous oui, dit oui. Plus que quelque chose. C'est que donc, live mappings sont déjà venus plusieurs fois. Et, bah, ouais, et on les met moi, dans les notes d'émission. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. En donc, plus, donc tout à fait. Oui, je les vois. Bon, je l'ai reposté là. Donc bon, allez voir la map et dites-nous si, c'est ça, vrai vous, que c'est... si ça vous C'est vrai que c'est super ce truc. Hein. C'est vachement... Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Ouais, aller voir bah, ouais, tout particulièrement parce qu'ils font un super boulot et je pense que c'est une manière assez intéressante en fait de parcourir le dossier. On avait parlé un peu avec vous, je ne sais plus si avec qui de vous j'en ai parlé, mais non, c'était avec Bruno. Ce serait encore mieux d'avoir des liens parce que du coup je trouve qu'on navigue très très vite dans ce qui a été dit, mais l'étape suivante serait qu'on arrive à mettre des liens, mais ni chez vous ni chez nous on sait trop comment le faire. C'est le but à long terme, mais là pour l'instant on envoie des images parce que c'est plus simple, pas parce que c'est plus joli, et du coup dans une image il n'y a pas de lien, mais oui à long terme on veut développer un truc où ce sera cliquable quoi. Mais bon, mais c'est très agréable, là en plus dans celui-là il a rajouté les dessins aussi, donc c'est pas mal, ouais, ça commence super, à être ouais, super, là, mais on est assez fiers parce qu'on a fait péter votre live mapping je crois la deuxième fois où vous êtes venu ou un truc comme ça, donc ouais, malheureusement, vu que c'est des images et qu'elles se rafraîchissent assez fréquemment, s'il y a 20 personnes qui regardent, ça fait 20 ah, fois 3 on l'avait 3 pas fait péter parce qu'il y avait trop d'informations. Peut-être. Ah, si l'image devient grande, et du coup. Mais bon, en tout cas, ouais, faut qu'on développe un truc, mais il faudrait qu'on gagne de l'argent. On va essayer de professionnaliser ça les prochains temps. Donc non, mais en tout cas, c'est top. Et faut qu'on vous fasse signe, mais bon, n'hésitez pas à venir en live. Et donc, ouais, quand il y en a un, moi, je le tâche de le mettre dans les notes de l'émission. Carrément. Alors un des problèmes, c'est que là, les derniers temps, on a surtout live mappé la tronche en live. Ouais. D'ailleurs, il y a un tronche en live de nos amis de la tronche en biais. Donc c'est aussi le mardi soir, et c'est la même horaire. Je crois donc, qu'il n'y en a pas ce soir. Si, il y en a un ah bon sur l'astrologie. Ah, j'ai dit une bêtise. J'écoute ça. Ouais, c'est nos potes aussi, la tronche en live. En plus, on est allé dans les premiers tranches en live. Je crois qu'il y avait Pierre Kerner qui y a été, puis moi j'y ai été aussi pour parler de Godel. Et donc on est copains, c'est juste qu'on est mal foutu au niveau emploi du temps, mais non, mais ça arrive, c'est le moment des podcasts, il y a pas de souci. C'est mais ça. Ouais. On était là avant. Ouais, on était là avant et nous on est là toutes les semaines. Mais on est de l'audio, ouais. Donc on fait pas le poids. Eux, ils montent leur tronche, tout ça. Ouais, okay. On essaye de se répartir un peu le travail avec Bruno. On va essayer de mapper plus souvent les deux, peut-être. Je sais pas. On verra. En tout cas, c'est toujours intéressant de mapper podcast science et de mapper tronche en live. Donc bon. Chouette. On va faire un dernier petit plug sur l'émission Lyon Science. Donc, ça y est, l'émission Plaisir est passée. Donc, on va pouvoir parler de l'autre émission Lyon Science. Vous avez de la chance, il y a deux soirées. Alors, c'est pas une radio dessinée là, mais il y a deux événements où Podcast Science sera présent qui ont lieu ensemble. Donc, là, c'est la nouvelle édition de Lyon Science qui a lieu le dimanche 7 février 2016. Alors, vous vous rendez compte que je ne dis pas soirée radio dessinée et tout, parce que Lyon Science, donc, c'est un événement un peu à l'initiative de nos chers amis lyonnais. L'an dernier, on y a été porté renfort à la fois en faisant des dossiers et puis en amenant du matos. Cette année, ça se professionnalise encore un peu plus avec en plus le vulgarisateur qui est de la partie, etc., qui nous a aidés. Ça s'annonce être une très très grosse soirée très sympa. Et bah, il y aura aussi pas mal de gens de Podcast Science. C'est à partir de 10h. J'ai un scoop. Ouais. Tu y seras ? Et bien moi, oui. Waouh ! C'est génial ! Ouais. Et donc, c'est à l'amphithéâtre Charles Mérieux à Lyon, à partir de 10h le dimanche 7 février. Donc, on parlera de science, bien entendu, et puis aussi de ce qui est autour de la science. Vous pourrez y entendre plusieurs voix que vous avez déjà entendues ici. Je sais qu'il y aura Alan, il y aura moi, il y aura... Je ne sais plus s'il y a Pierre aussi, il y a David Loureiro qui va pas être loin, enfin il y a tout plein de monde que vous avez déjà entendu. Ça va être très très sympa. La compagne Ulule a fait un succès fou, c'est-à-dire qu'elle a rempli les 2000 € qu'elle devait remplir d'objectifs. Donc on va pouvoir payer entre autres, je crois, la sécurité, puisqu'il me semble que ça servait surtout à ça. Et voilà, donc ça s'annonce joyeux, venez. En plus il y aura Irène, et Irène est rare dans nos contrées. Et sinon, pour l'émission PS Plaisir dont je parlais tout à l'heure et que je n'ai pas encore écouté pour ma part, vous pouvez l'écouter parce qu'elle a été diffusée dans le flux classique, et je vais la mettre sur YouTube sous peu. Donc vous pouvez écouter cette émission sur la science du plaisir. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, les amis ? Ou est-ce qu'on conclut ? Je pense Concluons. Bon, bah écoutez, maintenant vous avez vos méthodes pour mémoriser les épisodes du podcast et puis surtout mémoriser les moyens de partager le podcast. Quelle transition merveilleuse. Donc, je l'ai dit qu'une seule fois et vous y associez un lieu. Donc, vous pouvez partager ça sur Twitter. Vous pensez à un oiseau bleu sur un arbre qui est en train de chanter. Vous pouvez aussi partager ça sur Facebook. Comment on peut imaginer Facebook ? Donc, c'est quoi ? C'est une photo en bleu avec un... Une tête bizarre. Sur des fesses de bouc. Plus compliqué, c'est podcastscience.fm où là, vous imaginez, je sais pas, un labo de scientifique avec une radio au fond pour le .fm. Et donc sur YouTube, où YouTube, bah, c'est votre télé, mais avec une antenne, avec les ondes Wi-Fi par-dessus, etc. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie. On remercie encore Timothée d'être venu nous parler de cette méthode extraordinaire et d'avoir mémorisé 300 décimales de pi rien que pour nous. C'est pas rien. C'est la première fois que quelqu'un fait une chose aussi incroyable. Et puis, bah, non, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission Roue Libre, où on va parler de, entre autres, de d'art et d'espace. Et puis, bah, d'ici là, que servir la science soit votre joie.